Game Trip FM, c'est tous les dimanches à 11h sur gametrip.net et sur YouTube. Wesh ma gueule. Bien, t'as vu ? T'as vu. Ah, t'as vu, bonjour, bonsoir, bonsoir à tous. Il fait super chaud, nous avons des pulls de Noël. Parce que c'est pas... C'est parce que c'était Noël il y a quelques temps. Moi, j'ai pas. Et nous sommes... Oui, bon, à part Yako qui a oublié de se revêtir en l'occasion. Non, celui qui est au milieu de la caméra, en fait, c'est le mec qui a pas le pull de Noël, quoi. Ouais, mais moi, très mauvais placement. Rack, ouais, c'est pas mal aussi. Hein. Ça rend bien. Bienvenue à tous. 24e épisode, 3e saison de notre émission Game Trip FM, la seule émission de rétro gaming qui fait de la radio sur Internet en vidéo sur YouTube depuis la Laponie. Et coucou donc YouTube, nous sommes en direct. Bonjour à tous. Salut YouTube. Salut papa. On est en direct, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été en total direct. Ça faisait, c'était en franc. C'était en franc à l'époque, et en effet. Caramel d'ailleurs, je me suis dit. On est de retour, émission toujours mensuelle, toujours diffusée au milieu du mois sur GameTrip.net, la référence du rétro gaming depuis 2006. A-t-on besoin de le préciser encore ? Oui, bien sûr. Mais je le savais déjà avant de venir. Évidemment. YouTube aussi pour cette VOD que vous voyez. Qu'est-ce qui se passe ? Tu nous regardes ? Oui, il y a un légiféré. Tu nous vois dans le retour. C'est bien. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas gros, été en live. Montre voir la beauté du truc. Je regarde si je suis à mon avantage. J'espère que vous avez tous ça bien fêté. On est en 2020 maintenant, ça y est. Et ben meilleurs vœux aux éditeurs de Game Trip. Bonne année, bonne santé, bonne. Plein de jeux rétro pour cette année. Voilà. On s'est pas vu malheureusement en décembre. On a eu des petits problèmes personnels qui ont touché les activités de Game Trip, donc on n'a pas pu vous souhaiter de joyeuses fêtes. Mais là, on avait hâte de revenir et on est là pour ce premier épisode de 2020 avec de la nouveauté. Déjà, il y a un nouveau venu qu'on va présenter dans quelques instants et il est juste là. Il y a aussi un format légèrement remanié encore et puis on est de nouveau en direct comme les saisons précédentes, toujours pendant 2 heures. On va désormais prendre un peu plus de temps pour débattre de l'actu rétro gaming, mais pas que. Le sommaire dans 2 minutes, mais avant toute chose, derrière ces beaux pulls de Noël se cachent aussi des hommes de goût, presque tous. On commence par le petit nouveau, donc il est passé de l'autre côté du miroir, fidèle auditeur, il devient désormais infidèle chroniqueur. C'est Juju Splinter qui nous rejoint pour la première fois. Salut. Bonsoir. Cher maître. Salut. Maître Juju, Splinter. Voilà, on peut choisir. Ouais, tu choisis parmi les trois. Je t'appellerai Coucouille alors. Le spécialiste des problèmes de masse. Eh ben j'allais dire, on le. De masse. J'allais dire, on va le présenter cette année en qualité, parce que à chaque fois on vous présente en votre qualité. On va le présenter cette année en qualité de caution technique du 10e art. Ah, tout à fait. Voilà. Je pense que c'est l'émission la plus fournie qu'on ait eue depuis les 12 ans de Game Trip. Ah non, il n'y a pas de G. C'est pas bah ouais. Qui Jay, bah paix à son âme, c'était ça, les fameux problèmes de décembre. RIP, petit ange, parti trop tôt malheureusement. Est-ce qu'il serait pas au même endroit que Carlos Ben Ghosn. Que bah, il est, bah oui, hein, dans une fosse commune, évidemment. notre Ben d'ailleurs au passage, paix à ton âme aussi. Évidemment. Donc il n'est pas là cette semaine, mais on a quand même Jack, musicien, musicologue, collectionneur, notre caution barbe, bière irlandaise éventée, bande d'arcade et bonne musique. Merci bien. Bonjour Jack. Ben bonjour Jay. Et puis enfin. C'était JV, c'est ça ? Oui, c'est pas grave. Pas grave. Il sait même pas qui c'est qui l'invite. Jay, qui confond déjà quoi. Il va me faire une blague dessus, là, il fait toi ? Eh l'autre. C'est ma caution Alzheimer quoi. Bah oui, c'est ça. Bah forcément à un certain âge. Alors on nous entend bien, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat ou est-ce que moi je peux écouter ? On nous entend bien, c'est très bien. Je vérifiais quand même qu'il y avait le son. Hein. C'est une émission extrêmement professionnelle. Cette année, c'est uniquement langage des signes. Alors, il manque quand même un petit truc à présenter. C'est Yako. Un petit truc, d'après lui, je suis gros. Chasseur de Pokémon. Gros, ouais. Caution truc dont on va pas parler, comme les jeux qui jouent aux chiottes sur smartphone. Voilà. N'oubliez pas. C'est pas vrai. Hein. Bah, Tetris, ça joue aux chiottes aussi. Quoi. Mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais voilà, c'est plus compliqué quand t'es aux chiottes. Je sais que je l'appelle comme ça. Je joue aux chiottes, ok. Et oui, bah. Voilà, c'est tout. Pourquoi t'as une arène dans tes toilettes ? Une arène ? Tiens, ça me fait penser à que je suis pas en train d'enregistrer cette émission. Ah oui, t'enregistres. Tu es juste en train de me dire, j'oublie d'enregistrer cette émission. Donc elle sera en VOD. Donc vous êtes exclusivement les seuls à pouvoir la voir, puisqu'elle sera en VOD sur YouTube. Et comme je n'ai pas enregistré le podcast à côté sur l'ordinateur, et bah du coup, s'il y a une plantaison, un plantage. Eh bien, nous l'avons tous dans le cul, voilà. Ça à la limite, je peux aller quand même appuyer sur le bouton. Alors, je vous en prie, allez combler. Je répète, encore une fois, nous sommes dans une émission extrêmement professionnelle avec un technicien, que dis-je, un maître d'orfèvre. Un ninja. Ah, bah donc, vu qu'il part, alors on va quand même le présenter. Alors, ah ouais, c'est vrai, tu aimes le faire. Ah ouais, j'aime bien présenter JV, moi, déjà, parce que, un, c'est déjà vachement sympa de nous accueillir dans ce studio en plein milieu de Paris. gracieusement d'ailleurs et d'ailleurs vous demanderez, je t'enverrai ma facture de déplacement parce que moi je viens de la petite bourgade de Metz Ça fait loin jusqu'à loin, Paris. C'est loin, c'est donc merci JV. C'est bon, donc, je suis de notre coefficient Game Trip, notre coefficient rétro gaming, la référence des jeux rétro sur le 2006. Web. Alors depuis au départ, on en rigole, on disait ah c'est un peu prétentieux, puis après on vérifie et on se dit que c'est vrai. Eh donc oui, c'est écrit. C'est écrit. Déjà, si c'est écrit, déjà c'est sur Internet, c'est quand même plutôt cool. C'est le seul site sur lequel vous trouverez un test de Game Boy qui est fait en toute honnêteté. Donc voilà, maintenant à passer la brosse à reluire. On c'est quand même un sacré connard. Merci. Donc maintenant, on peut continuer avec le reste de l'émission. Tout le temps, quoi. Sur cette VOD, si vous nous regardez en direct et si vous même vous nous regardez un peu plus tard sur cette VOD, les timecodes sont notés juste en dessous pour aller directement aux différentes parties de l'émission. Et sinon, la nouveauté, vous aurez désormais un best-of en fin du mois désormais pour écouter la substantifique moelle de nos conneries. Ce sera un best-of qui durera sans doute 4 ou 5 minutes alors, grand maximum. Ah ouais. Alors, si c'est vraiment que le meilleur. 5 minutes, mais tu seras pas dedans du coup. Ah ben, je pense qu'il y aura le générique, il y aura les jingles et le générique, c'est les meilleurs trucs de l'émission. Si t'enlèves les gros mots, l'émission dure 5 minutes quelque c'est, part. C'est vrai, complètement vrai. Ce mois-ci, pour le sommaire, ça bouge pas, on va commencer par la rubrique que vous adorez tous, Psartek ou Balek, on fait le tour des news sur le rétro gaming. Dans quelques instants, il va y avoir aussi un paquet de news à parler, puisqu'on n'était pas là en décembre, du coup il y a 2 mois à rattraper. Ensuite, on aura désormais une chronique chaque mois, ce sera ce mois-ci la True Story Bro de Yako. C'est la seule et unique chronique valable, avec celle de la musique. Non, je voulais spoiler avec un accessoire. Mais on spoilera pas. On spoilera pas, ok. Donc on verra ça tout à l'heure. Au milieu de l'émission, dans 40 minutes environ, notre débat du mois de janvier, la vraie vie des PNJ. Sont-ils comme nous? Où vivent-ils? Dirigent-ils le monde? Comment devient-on un PNJ? Notre dossier exclusif dans l'Express. Voilà, donc ça ce sera tout à l'heure. Il est bon. Hein. Oui, c'est mon métier. Ensuite, on aura chaque mois une autre chronique. Alors, sauf ce mois-ci du coup. On aura une deuxième chronique chaque mois, mais ce mois-ci on va faire un petit tour de table du bilan de l'année, puisque toi je savais que tu voulais en parler, tu voulais faire un petit bilan de jeu et tout ça sur 2019. Tu nous l'as tous dit. Voilà. Ah ouais, j'ai dit ça. Il s'en rappelait. J'ai dit que ça aurait pu être bien de le faire, mais tu m'as dit ouais, les mecs préparaient rien parce que vous savez 2020, on n'a rien branlé en 2019. Eh ben, c'est ça pas rien de commencer à se sortir les doigts maintenant. Tu as 1h25 pour le préparer. Fantastique. Quelle sera la chronique d'ailleurs de notre caution technique? Eh bah justement, ce sera dès le mois prochain que Splinter va s'y coller. Je lui laisse un bon mois de préparation. C'est 30 jours de plus que la préparation de la chronique musique de Jack, qui lui fera sa prochaine chronique en mars pour le coup. Hein. Pendant la Saint-Patrick, c'est bien. Pendant la Saint-Patrick. Forte chance que je sois dispo. Hein. Bah voilà. quand même, c'est la chronique la plus écoutée, la plus podcastée de notre émission, je tiens à le dire. C'est la chronique la plus appréciée. C'est vrai, non? Oui, c'est la star. Arrête tes conneries. C'est la star des chroniques, donc du coup. Ça me va droit au cœur. Hein. J'espère vraiment que. Bon, en attendant, bon, pour nos 4 auditeurs, 3 parce que je joue avec nous maintenant. Oui, bah, c'est vrai. Ça fait baisser le. C'est vachement sympa, donc je vous remercie. Voilà. Et si vraiment ça vous plaît, j'essaierai de faire un truc vachement bien pour mars. 2 mois pour la préparer l'avant-veille et donc du coup ça me laisse un peu de temps pour procrastiner plus tard. Et pour le reste de l'émission, dans 1h15 le tout venant de l'actu, là on fera le tour de l'actu non oldies et puis vous l'attendez tous évidemment, les gros beats, le grand quiz des animateurs vers la fin de l'émission, c'est comme les grosses têtes mais avec des petits beats, on a une égalité parfaite et Yako ne sera pas désormais seul puisqu'il jouera dans la même équipe que Splinter. C'est pour toi que enfin un coéquipier, c'est ça. Du coup je renonce à ma caution d'extrême droite. Ah bah pour cette semaine, oui, malheureusement. Ah, comment je vais faire? Sur tous les jeux de droite, il était balèze. J'espère qu'il nous écoute de là où il est. Il y avait des questions sur Panzer Division, le mec était au top. N'hésitez pas à nous interpeller directement dans les commentaires du YouTube Live. C'est juste à côté, en dessous, je sais pas où c'est. Nous c'est. Attends, on va mettre dans tous les sens. Mais voir à droite, là, voilà, là, voilà. Attends, moi c'est à ma gauche, là, c'est là. La c'est gauche, ici. Laquelle? Celle de Mélenchon ou la tienne? Celle-là. Ah. Et vous, c'est juste en dessous, c'est ou bon. Juste sur le côté. pour nous interpeller, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages. Il y a de plus en plus d'auditeurs qui nous écoutent chaque mois. Merci. Deux. Non. Arrêtez de dire des conneries. Les chiffres. On veut des chiffres. Merci. On veut des maths. Merci à UJK qui nous dit sur YouTube, vous êtes vraiment sous-cotés les gars. J'adore vos contenus. Plus un abonné. Tourche qui nous écoute aussi comme chaque mois. Tourche, mon ami, je t'embrasse. On lui fait un petit coucou. Des bisous partout, tu sais. Une émission bien faite et mal payée niveau vue, dit Cyril sur le mur de Juju. Tu peux t'arrêter à mal payer. Hein. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu peux t'arrêter à payer. Eh bien, il ne tient qu'à vous de partager l'émission et de nous suivre sur les réseaux. Je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là et qui étaient au fond de la classe en début de saison, facebook.gametrip.net, twitter.gametrip.net, youtube.gametrip.net, GameTrip FM sur Spotify parce que vous pouvez nous écouter là-bas évidemment. Et si vous voulez débattre avec nous lors d'une prochaine émission, n'hésitez pas à nous appeler. C'est sur le Discord, discord.gametrip.net. Voilà. On n'en oublierait pas le 3615 GameTrip également. Et le 3615 GameTrip sur tous les Minitel connectés. Exactement, ça marche également sur VG5000. Hein, le nombre de vues n'est pas compté sur 3615 en plus. Exactement. Exactement. Et puis ça fonctionne également sur le VG5000, qui était un ordinateur de. C'est qui faisait VG5000 encore ? Je sais plus. Non ? Ouais, c'est peut-être bien Philips, mais c'était un équivalent de Minitel, bref. Qui s'en fout ? Bah, pas les mecs qui font du net sur VG5000, et il y en a donc. Et il y en a 10 qui nous écoutent. C'est nos 3 auditeurs. Sartek ou Balek, a-t-on encore besoin de le présenter ? Non, évidemment. On va comme le rappeler. Le principe, c'est que je vais donner des actus de ces derniers jours dans le monde du rétro gaming. On va faire un rapide tour de table pour savoir si ça nous intéresse, et donc Sartek l'info, ou si on s'en fout, donc Balek l'info. Il y a énormément de trucs, mais on a fait un choix forcément. Et d'ailleurs, tu as ton Power Glove pour faire des Power Glove. Des Sartek ou des Balek. La classe. Alors, on va commencer avec une grosse info. Il en est Half-Life qui est de retour. C'était inespéré, c'est désormais officiel depuis novembre. Sartek. Valve a annoncé Half-Life Sartek. Alyx. Sartek. Donc suite de la saga initiée en 98, ce sera un jeu en VR qui se déroule entre les deux premiers épisodes et qui arrivera donc en mars 2020. Donc toujours pas de Half-Life 3. Half-Life quoi ? Bah tu sais le jeu annoncé en 2007. Oui, pour ah, 2007. Celui qui pour se retire en même temps que Duke Nukem 4. Oui. Exactement. C'est, avant. C'est quoi Half-Life ? Un vieux jeu. Il y avait des trucs avec ferme ta gueule sur ce truc là. Pourquoi tu le mets pas ? Ta gueule. Pas mis ferme ta gueule. Non, il y a pas de ferme ta gueule. Bah, il a dit que c'est pas, quoi, pas maintenant. Nouvelle année, moins de gros mots. Pas tout de suite, pas tout de suite. Juste comme ça, donc c'est un jeu en VR avec un nouveau moteur source. Le joueur contrôlera Alyx, la coéquipière de Gordon. Très joli nom d'ailleurs. Et la VR permet d'utiliser un Gravity Glove. C'est un peu la même chose que ça, sauf que c'est des gants qui contrôlent la gravité grâce à votre VR. Bah tu peux. Attention, hein, donc c'est de la VR, et pourtant, alors en général les jeux de VR aujourd'hui j'en ai beaucoup donc je sais de quoi je parle. C'est des comment jeux, je la pète. C'est des jeux qui durent à peu près 4 ou 5 minutes. Non, plus maintenant. Il les paye, il les paye plus, il les paye pas. Hein, lui, non, mais là ce sera un vrai jeu en VR, donc un vrai jeu d'une vingtaine, une trentaine d'heures en VR. Donc grosse. La gerbe quoi. Gros machin quoi quand même. Moi je dis Pierre. Ah, après tout dépend ce que tu fais dedans. Le Batman Arkham. De toute façon, on traite l'actu même si c'est Balek. Ou pas, ou c'est l'émission de il fin. Il a toujours non, pas compris le gars. Ouais, toujours il pas a toujours pas compris. Je vous ai donné ce que c'était, je vous ai expliqué. Mais ça marche avec l'informatique là-bas, votre truc. Mais tu m'as. Hey, je l'ai pas eu ton Telex. Et l'imprimante, elle imprimante pas bien là. Oh, on dirait Chirac, putain. Je l'ai pas eu ton Telex. Oh bon, là là. Bref, du coup, on traite l'actu là. Sartek ou Balek, on la traite quand même. Oui, oui. D'accord. Non, mais Sartek ou Balek. Ah, bah, Sartek ou Balek. Alors, on va commencer par le petit nouveau alors, du coup, quoi. Ouais, moi, Sartek et Balek. Hop, hop, hop. Ça n'existe pas. Sartek. Il faut choisir, monsieur. Parce que Half-Life, quoi. C'est cool. Par contre, Balek pour la VR, parce que honnêtement, moi, ça me file la gerbe. Je peux pas. Ah, le Darwin. Je peux vraiment pas. Tout dépend comment tu. Ça marche pas. Mais c'est vrai, vieux, il est vieux. Non, non, non. Non, mais même, certains. Attends, déconnez pas. L'oreille interne. Ah, le truc de l'oreille interne et tout, là. Elle s'appelle la cinétose. Mais. Copine, je suis content pour Half-Life. Il a un Virtual Boy, faites gaffe, il a l'habitude. Mais voilà. C'est mon avis. Quoi. Bah c'est bien. C'est ce qui est bien avec les avis tranchés, c'est que ça relance le débat. Ouais, non. Il est venu pour ça. Hein. Ouais. Ah, mais totalement. Yako ? Ah, bah, Sartek, grave de plus ouf. Bon, je suis trop pauvre pour m'acheter un truc en VR, mais. Voilà. Mais ça arrive à viendrai jouer chez toi. Très bien. Non, bah, Half-Life, gros truc. Half-Life, ouais, déjà, voilà. Après, on est dans le turfu parce qu'on est, on est sur la VR. Je pense qu'il fallait quelque chose qui porte la VR. Autre que des trucs qui coupent des trucs de tu sais avec la musique là tu sais le sabre machin là. Ah Beat Saber. Ouais merci Beat Saber là. Voilà, il y a pas que ça mais bon. Ouais mais bon tu sais quand tu aujourd'hui quand tu vas oui, c'est vrai des que c'est gens Beat Saber. Non ouais. Initiés que tu leur dis elle a verte ouais Beat Saber c'est trop bien. OK ouais, d'accord. Non mais on parle d'un un jeu, peu comme les jeux aux toilettes quoi. C'est ça mais je suis parfaitement d'accord avec vous les gars. ça c'est l'Oculus. Voilà c'est l'Oculus Rift. Bref, non, Psartek, voilà, je terminerai là-dessus. Mais Psartek, complètement, c'est-à-dire pour moi, je pense que c'est le premier jeu qui va avec ta gueule et qui va vraiment exploiter la VR. Mm. Moi, j'ai pu essayer donc l'Oculus Go, là, chez un pote à moi, le Jeff. Salut Jeff. Mal, hein. Et franchement, ça fout pas tant la gerbe que ça avec l'Oculus Go. Bah, moi, j'ai le Rift, donc c'est l'ancien l'Oculus Go. Mais... Quand t'es debout, ça va. Ouais, mais peut-être. Genre, moi, le PSVR, c'était. Juste une... Tout dépend des jeux. Ouais. Si c'est des jeux où tu peux pas, où tu, parce que t'as des jeux où c'est de l'ambiance, où tu bouges pas en fait. Ouais, c'est pas à toi ouais, de bouger, tu vois. En fait, pour la cinétose, vu que j'en suis atteint malheureusement, pense à mon médecin. Quand il y a pas de retour de contrainte physique, c'est là que tu commences à voir la gerbe quand le mouvement que t'as dans le casque ne correspond pas à ton ce que tu fais toi. Ouais. Exactement, ouais, c'est ça, voilà. C'est ça, ouais. C'est quand t'es sur un train ou un truc comme ouais, ça. Voilà. Ouais. Ouais. Par exemple, les jeux de les roller coasters en VR, ça par contre, en 15 secondes, j'ai vraiment envie de vomir, mais vraiment. Et moi j'ai essayé à la Paris Game Week, c'était en 2017, avec un truc par touche, je devrais même pas les citer d'ailleurs, faudra biper. parce que c'est des enfoirés. Mais par contre, il y avait un truc à retour de contrainte qui faisait que quand bien même t'avais le casque, tu n'avais pas cette cinétose. Oui, bah oui, il suffit que ce soit. soit avec si t'as les équipements autour de toi qui coûtent 3000 balles, oui, forcément. Mais là pour l'Oculus Alix, ouais, effectivement, c'est comme il disait Yako, c'est un fer de lance, un vrai jeu quoi. Ouais. Je pense que c'est testé, quoi. Il était temps. Oui, c'est vrai, et en plus c'est Half-Life quoi, donc ils auraient pu faire le cobaye, mais bon, tant pis. On a une date ou pas? Mars 2020. Voilà. Mars, c'est déjà complet. C'est déjà dans pas longtemps. Hein. En même temps que Final Fantasy VII. Voilà. Bon, et bah voilà, Final Fantasy VII remake qui sortira le 3 mars 2020. Là aussi, on a eu des images. La date était annoncée depuis juin, on l'avait déjà. Mais on a eu plein d'images, puisqu'il y a une vidéo d'une démo jouable qui est sortie sur les réseaux à Nouvel An. Elle est sortie, je crois, d'ailleurs. Hein. De quoi? Non, la démo, non. Pas non, ah, la démo, elle est sortie en salon. Mais... C'était un leak. Ah, d'accord. Et ça doit sortir donc sur le PS, Store, ouais. PS Network, c'est ça? Ouais. Exclu temporaire PS4. Temporaire parce qu'apparemment, on a eu des fuites sur une adaptation PC aussi il y a quelques jours. Voilà, donc on rappelle, ce sera un jeu qui sortira en format épisodique. Donc ce sera que l'épisode 1 qui sera... Midgar. Voilà. Ouais, qui s'arrête à Midgar. Qui sera à 60€. Et si vous avez l'original en custom remède HD sur PC à 5Go, c'est 0€ sur Internet. Psartek ou Balek? Psartek, totalement. Ça fait un an que je l'attends. Un an? Et le reste? J'en peux plus. Je connais pas ce jeu, c'est cool. J'en peux plus. C'est la première fois que j'ai pris un jour de congé pour jouer à un jeu vidéo, quoi. Ce sera pas la première fois? C'est la première fois. C'est pas vrai. Vraiment. Ah bah si, moi j'ai déjà posé des jours de congé pour jouer. C'est pas très bien ce que vous dites là. Hein. Oui, bonjour, alors j'ai vu la vidéo que vous avez vue sur l'employé là, et puis... C'était quel jour déjà? Vous êtes libre à chacun de faire ce qu'il était jours de congé? Non, parce que là il était en arrêt pendant 3 semaines. Ah, maladie, on n'a pas dit. Faire de gueule. Moi, Balek, hein, parce que vous le savez. Zartek, voilà. Oui, toi, on sait que t'es un con, mais vas-y. Non, mais c'est Zartek. J'irai à la fin, moi. Je vais y aller, ouais, parce que moi, je vais être très très court. Psartek également, c'est un jeu que j'ai adoré à l'époque. Alors, je vais essayer de refaire les conditions de l'époque. Pas logique. À savoir, de me faire prêter une console et de me faire prêter les jeux, parce que j'ai plus un radis. Donc, je vais essayer de revenir là-dessus. J'ai contrôlé la console, j'ai pas encore le jeu. Mais, si vous nous écoutez, vous savez. Okay. Mais tu devrais te psartéquer, je crois que tu devais le faire celui-ci, j'y vais. Je voulais faire pendant mes congés là, je voulais faire toute la saga Final Fantasy pour découvrir enfin cette saga. Ouais. Voilà, commence par le 7. Commence par le 1. Je voulais... Bah oui, je voulais carrément commencer par le 1. Le 1 ça pique. Hein. Non, le ça 1 m'a dégoûté direct, donc le 1 non. J'aurais pas dû. Commence par le 7. Le 6, commence par le 6. Le 6 quand même. Commence par le 6. Ouais, le 6, ouais. J'aurais fait 7, 6, 9. Mais bah, il y a une suite logique entre le 6 et le 7. Absolument pas. Il y a que le 10 et le 10-2, je crois, il y a une vraie suite. Ouais, vite fait. Mm. Ouais, mais le 10-2, c'est un peu un spin-off. Donc Ouais. Bon, alors. Promis, dès que je regarde les Star Wars, après, je me mets sur Final Fantasy. On a notre question Final Fantasy quand même, là, on a quelqu'un. Très bien. On a du lourd. Et donc, toi? Donc, bah, moi, Psartek, puisque je rappelle pour la énième fois que j'ai fini Final Fantasy 7 il y a genre 4 ans. Ah oui, c'est vrai. Ah, ouais. Avec le Chocobo d'or, d'ailleurs. Ouais. Avec tout. Avec j'ai tout. 99 000... J'ai tout fait, tout, 100%, tout, voilà, tout. J'ai lu la soluce, mais j'ai tout fait, tout. Bon, le choix. J'ai vraiment tout torché. Mmh. Psartek, mais avec un petit bémol quand même, c'est que. Ben, un jeu épisodique, quoi. Ouais. Je suis moyen fan de ce genre moyen de jeu. Je suis pas client de ce genre de choses-là. J'étais échaudé avec Sonic de l'époque, Sonic 4, qui en plus c'était pas terrible, hein, si on est honnête. Ah, Sonic Mania était mieux. Oui, Sonic Mania était mieux, mais quand on te dit Sonic 4 qui sort et tout, c'est là, épisode. Et en plus, voilà pour ce que c'était. Et donc, bon, là, je suis quand même assez confiant vu les différentes images qu'on a, les différents retours qu'on a, le leak qui est tombé sur le gameplay. Peut-être que éventuellement on pourra fermer les yeux sur le épisode, sur le fait que ce soit épisodique. Et bon, on verra, ça sera en mars Psartek, aussi. Voilà. Psartek quand même. Le 3 mars. Il sera complet quand en 2025 celui-là. Personne ne travaille le 3 mars de toute façon. Ouais. C'est un jour férié maintenant. Bah, c'est obligé. Bah oui. Deux autres retours peut-être pour 2020, on va faire vite. Dragon Quest et Ape Escape. Donc ça pareil, ça a été annoncé sur des salons japonais un petit peu random parce qu'il y a un manga Dragon Quest qui va sortir l'automne prochain. Et du coup en parallèle, il y aurait peut-être un épisode sur le Hero Fly avec Square Enix toujours. Et puis Ape Escape, une rumeur aussi pour l'instant pour un jeu PlayStation qui devrait revenir après un troisième opus qui date déjà de 2006. Ce serait peut-être un Ape Escape 4 ou un remake HD. A noter d'ailleurs que la presse, soi-disant spécialisée, avait aussi annoncé un retour de Crash Bandicoot annoncé, je cite, fin de semaine au plus tard, début décembre. Et donc on n'a eu aucune nouvelle depuis. Donc je pense que ça c'est on mort. On est fin de semaine, début décembre là, non? Hein? On est fin de semaine, début décembre, non? Début janvier? Oui, par rapport à janvier, on est fin décembre, oui. Ouais, non, c'est bon. Alors on est toujours jusqu'à fin décembre de cette année. On est bien. Donc voilà les retours là. Il y en a un qui vous intéresse, Dragon Quest, Ape Escape, Crash éventuellement, si. Ils innovent un peu dans le gameplay, quoi. Pourquoi pas? Après Dragon Quest, ça reste du Dragon Quest, ils font que du Dragon Quest, c'est toujours du Dragon Quest. Dragon Quest, t'aimes ou t'aimes pas quoi. Ouais voilà, c'est, ça change jamais. Toi t'aimes bien, je crois. J'aime bien Dragon Quest, mais alors, c'est un peu gnangnan quoi. Ça dépend parce que c'est... T'as eu Dragon Ball pour Minette. Voilà. Moi celui que j'ai préféré, alors qu'il a été un peu boudé, c'est, la, c'est le Dragon Quest qu'il y a eu sur DS, Dragon Quest 9 je crois. L'Odyssée du Firmament. Ouais, dans les Sentinelles du Firmament. Où, c'est ça, c'est les Sentinelles du Firmament, et c'était là, ce que j'aimais bien dans celui-là, c'est qu'il y a, enfin, c'était bien et pas bien, c'est qu'il y avait, tu créais tes personnages. C'était pas des personnages que tu ramassais sur la route, genre, hey, tu veux pas devenir mon copain ? Tu les créais. Alors ça a tué un petit peu le background, le JRPG, voilà le truc. Mais en même temps, c'était un peu plus perso. Puis il y avait une histoire de tu pouvais jouer avec tes potes à 4 et tout. Donc c'est celui où j'avais vraiment le plus accroché. Qu'est-ce qu'ils vont faire sur le prochain Dragon Quest ? Est-ce qu'ils vont vouloir se caler sur la série, je ne sais quoi ? Je dis quand même Certec. Voilà. Okay. Parce que j'ai fait le tour ? Non. Non, bah écoute, moi, Epescape, je crois que c'était pas mal donc, sur PlayStation ça. Ouais, ouais mais qui s'en souvient quoi ? Bah moi ! Anecdotique. Après, est-ce que j'ai joué ? Oui, effectivement. Bon, on va dire Balek alors, du coup. Ah merde, je me suis trompé de truc. C'était pas le bon. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Oui, voilà, c'est celui-là. C'était exactement sur celui-là. On a même plus besoin des jingles, tu vois. Tu le sais déjà. La PlayStation qui a fêté le 3 décembre dernier ses 24 ans. Bon anniversaire, du coup, la PlayStation. Ça nous donne un coup de jeune. Et ça me permet de parler surtout de la Nintendo PlayStation. On avait parlé dans une précédente émission. C'est la collab qu'il y avait eu entre les deux constructeurs il y a à peu près 30 ans pour une nouvelle machine. Donc Nintendo. 92, avait... hein. La machine est sortie en 95, mais oui, non, mais le proto. La collab 92. 92 et à 94 la machine. C'est fini avec une collab avec Philips. Voilà. Que oh là là. Donc du coup, c'était censé être un lecteur CD pour la Nintendo. Un gars avait récupéré les plans, puisque du coup PlayStation s'était barré en prenant les plans et en disant bah on va sortir notre propre console. Mmh. Un gars a récupéré les plans et puis ne savait pas trop quoi en foutre, alors avait décidé de les mettre aux enchères. Donc du coup voilà, ça y est, ça a été annoncé. Les plans ou la console? La console. C'est le proto qui a été. Il avait les plans et il a une console. Il a un proto. La console, c'était le président et Il y en avait trois, je crois. Il y a un gars, un particulier. Il y a un particulier qui a trouvé. C'est la seule. Ouais, je sais pas, mais il l'a. Il me semblait qu'il y avait trois protos. Alors, on n'a malheureusement pas encore les prix, mais en tout cas, ce sera vendu entre le 5 ou le 7 mars pour des enchères qui seront donc ouvertes. C'est très suivi. Et les enchères sont ouvertes en ligne dès le 14 février, donc un beau cadeau de Saint-Valentin. Ce sera sans doute quelques dizaines. Il avait passé le million, à mon avis. C'est très, très suivi. Il n'avait pas refusé un demi-million déjà, ou je sais pas quoi. Il avait dit non, c'est pas assez. Il a déjà refusé des offres. Pas assez cher, mon fils. Il avait dit non, un demi-million, je donne pas, je crois. J'ai de dire des conneries, mais demande à Google, il sait mieux que moi. Ouais, après, si les auditeurs veulent... Si les auditeurs avaient éventuellement un million pour que Game à Trip plus, voilà, donnez la Game Trip, donnez plutôt à nous. Les auditeurs sont là-bas, regarde. Regardez dans les yeux. Donnez-nous argent. On compte sur vous. C'est grâce à vous que Game Trip pourra acquérir. Peut-être grâce à vous. Sûrement grâce à vous. Parlez dans le micro, monsieur. Super. Promis, vous aurez le droit de faire un Donkey Kong Country, parce qu'en plus, il y a même pas de jeu sur CD, je crois, là-dessus. Hein. Bah, on sait même pas ce qui passe dessus en fait. C'est ouais, c'est ça, ouais. Si, il y a un CD, mais tu peux faire marcher les jeux Super NES. Mais non, tu peux écouter de la musique en CD. Oh, cool. Ah, c'est génial. Et je peux faire ça sur un CDI également. Oui. Attends, je suis même pas sûr. Sur un lecteur CD. Ouais, tout simplement. Si, CD, je crois qu'on peut quand même l'écouter la musique. Moi, Balek, parce que je l'achèterai jamais. Donc, Balek. Moi, Balek, parce que je l'ai déjà. Balek. Oui, aussi. J'en ai 3 qui sont derrière toi. J'en ai 3, j'ai été récupéré en brocante à 2€. J'ai négocié à 1. À propos d'enchères, une disquette signée par Steve Jobs a été vendue 75 000 €. Voilà une disquette Mac OS 6.0, donc je suppose que ça doit être entre 88 et 90, avec la signature du patron d'Apple, et qui est parti pour 85 000 $. Et voilà, un Apple 1 est parti pour 905 000 $ aussi, ça fait à peu près 800 000 €. Balek. C'est le prix. Balek. C'est le prix d'un iPhone 2. Oui, ah ouais, du coup, voilà, on est cohérent. Ok, Balek, NBA Jam qui renaît avec des bandes d'arcade qui permettront de jouer en ligne. Boum shakalaka. Ça a été présenté au CES, on voit les classiques. Une borne d'arcade NBA Jam fabriquée par Arcade One Up, c'est une société américaine qui a déjà produit des bornes Marvel et Teenage Mutant. Ah, mais ça, c'est de la merde. Et là, on parle de trois bornes NBA Jam qui permettent de jouer à 4 en ligne grâce à un système drop-in. Donc, on se connecte à d'autres possesseurs de la borne et on peut jouer en ligne. Donc, un multi en arcade. Parce qu'avant c'était une borne 4 joueurs. Exactement. Directement sur la borne. C'est ça. On est d'accord. Là c'est du drop-in, donc voilà, c'est marrant quand même, un multi en arcade. Bon, alors oui et non, mais. Un MMO en arcade. Il faut une salle d'arcade chez toi à la maison, ou bien alors il faut que tous les salles de garde, ces salles d'arcade, t'es sûr qu'il y ait quelqu'un qui joue à ce moment-là. Ah non, il faut que ce soit. Il n'y a que 4 bornes qui vont être vendues, donc forcément c'est une borne que tu vas acheter toi. Ah ouais. Est-ce que tu as regardé les bornes arcade One Up quoi ? En fait, il n'y a que 4 personnes qui jouent dans le monde. Alors qui a regardé déjà les bornes arcade One Up, du coup ? Non. C'est du carton, hein. C'est très très petit, hein. Ah oui, ah oui, ah, c'est des petites là. Non, elles sont pas petites. Elles font à peu près 1m20, mais c'est du carton quoi. Donc c'est-à-dire c'est pas une borne d'arcade format 1-1 comme les grosses Konami. Les grosses Turtles. Comme les 4 joueurs de base, quoi. Comme les Turtles, ou même la Killer Instinct, c'est des veaux, quoi. C'est-à-dire, moi. Non, mais la borne. Non, mais c'est pas ça que je veux faire. La borne, je peux me foutre, tu vois, c'est-à-dire, c'est la rare borne, je peux me mettre derrière, m'allonger, m'allonger tout mon poids, et bon, pourtant, je commence à avoir. Je suis presque à niveau d'Yako, mais quand même. Oh elle était gratuite, celle-là. Et je ne peux pas la soulever, quoi. Elle fait 150 kilos, donc non, elles sont beaucoup plus légères. Donc c'est peut-être pour ça que ça va. Je sais pas si t'as des photos qu'on pourra mettre. J'en ai pas, mais. Bah là, c'est de la VOD, donc. Mais, bon, mais Arcade One Up, ouais, elles sont relativement. Bon, de toute façon, balèque, parce que ça va coûter, je sais pas combien de dizaines de milliers d'euros. Pas forcément, hein. Elles sont pas très très chères, le 800 ou 900 euros, mais ça reste de la. S'ils en vendent que 4, à mon avis, ça va pas être 4 dans le monde. Bah j'ai essayé celle Street Fighter, je sais pas si c'était eux qui faisaient, mais c'est assez pauvre, très fragile. On va terminer vite fait par des. Là ça va être Psartek direct, parce que je vais vous parler des nouveautés sur Game Trip en ce moment. Psartek, c'est bien. Depuis la dernière émission, pas mal de tests. Il y a eu Rage Racer sur PlayStation, Parodius, la parodie de Gradius sur Game Boy, Superman, un jeu parfaitement dégueulasse sur Game Boy aussi. Et puis surtout, allez voir notre dossier spécial fête de fin d'année 99 avec notre liste des meilleurs jeux de 99 à jouer pour cette année 2000 qui débute. C'est très très hétéroclite. Ouais, très bonne rubrique. Nous avons deux personnes là qui ont participé aussi. Je l'ai lu, c'était sympa. Et puis je rappelle aussi qu'on a débuté notre grand tournoi de la meilleure console de tous les temps. On avait fait un tournoi du plus grand jeu de tous les temps il y a quelques années, il y a deux ans. C'était Sonic qui avait gagné. Ah, Sonic, ah, bah, tu sais, Sonic c'est marrant, lequel de Sonic. Ah, bien sûr. C'est marrant, Juju a voté 15 fois. Mais il a 15 comptes différents. Et là, on est parti pour deux mois de duel dans un nouveau tournoi, donc avec 32 consoles qui s'affrontent. Et pour l'instant, on vient de clôturer la première semaine avec la première poule. On l'a clôturée hier soir. C'était la poule des vieux machins. Et c'est, je l'annonce, la Game & Watch qui a pris une place au tour suivant. Large tête de plus de 70%, 77%, je crois. La deuxième poule vient de débuter. Dès aujourd'hui, vous la retrouvez sur gametrip.net/clash.html. Voilà. Est-ce qu'on parle du PC Engine ou de la PC Engine ? Il sera dedans, mais pas dans la poule des 8 bits qui vient de débuter aujourd'hui. Ah, bah pourquoi ? Il y a quoi dans la poule ? Parce qu'il fait du tease. Poule de 16 bits. La PC Engine, c'est une 8 bits ? Non. C'est. Non. C'est. Non. C'est. Bah non, c'est... elle est pas dans la poule. Ah, mais elle est comme, si c'est elle comme est une 8. Elle est peut-être dans la poule, j'en sais rien. Répondez si vous êtes d'accord avec nous. Non, mais cliquez sur 8 bits ou 16 bits. Cliquez sur clash.html et vous verrez laquelle est en. Alors je crois que c'est un chipset sonore 16 bits. Mais elle est 8 bits après. Oui, c'est une 8 bits, ouais. C'est un processeur 8. Là, les gars, ils sont genre experts du rétro. Ils sont c'est du 8 ou c'est du 16 Non, non, non. C'est du 8. Bande de chers. Nous, on sait que c'est du 8. Après, voilà. On ouvre le débat. Le jeu vidéo, c'est dans les tripes et sur Game Trip FM. 0% coton. 100% oldies. Suivez-nous également sur gametrip.net, www.gametrip.net. Gametrip.net, la référence des jeux vidéo oldies. Je sais plus ce qu'il y a maintenant. Une chronique. Oui, la chronique de Yako. S'il y en a une, c'est la mienne, parce qu'il y a que moi qui a bossé. Je suis débranleur. Qui a préparé. Ce mois-ci, c'est Yako avec sa chronique. Avec des accessoires en plus. Avec des accessoires. Érotique ou pas érotique, Yako? Érotique. Ah, voilà, là tu me parles, là on cause. Ah oui, bon. Comme d'habitude, petite histoire sur rapide, le vécu d'un. Je vais pas t'interrompre. Vidéo, une heure. Et voilà. Quoi. Hein. Et techniquement, elle est plus. On a plus le temps. Que voilà. Ah, voilà. Merci Yako. Merci, voilà, merci les gars. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu vraiment étonnant. D'abord par la nature même du jeu, mais aussi par ce qu'il peut représenter en tant qu'objet vidéoludique. Oui, je connais le mot vidéoludique, même si pendant longtemps je prononçais vidéolubrique. Autant dire que quand je parlais d'expérience vidéolubrique dans les repas avec belle-maman, eh ben, c'était du plus bel effet. Un jeu étonnamment étonnant, donc, dans lequel je joue un super-héros, et ce super-héros, c'est... Et oui, encore un jeu de l'année 1999. Ah, j'ai 1999, c'était l'époque où j'étais encore aimable et poli. Et son orchestre. Ah, pardon. Et maigre. C'est déjà fait celle-là. C'est déjà fait celle-là. Pardon. J'étais encore aimable et poli. Aujourd'hui, je ne suis plus que et je vous emmerde, bande de cons. Pepsi Man, disais-je. Ce jeu qui te permettait de réaliser ton rêve le plus fou, celui d'incarner le super-héros légendaire égérie de la marque Pepsi, égérie en un mot, hein, parce que sinon ça veut rien dire. Pepsi Man sorti en mars 1999 sur PlayStation, développé et édité par Kid. J'ai jamais entendu parler d'eux avant. Kid United. Pas. À savoir que ce jeu n'est sorti qu'au Japon. Mais c'est étonnant. Uniquement dans la province d'Hokkaido. Exactement. Mais grâce à la magie de l'import, de la puce magique et du câble Péritel spécial, eh bien, nous avons pu jouer à ce jeu dès l'été 1999. Enfin, nous avons. Enfin, avec mes copains, on jouait un. Ouais, le fameux câble, puis il fallait la puce qui permettait câble, de lire. Câble RGB. Les... Oui, sinon, t'avais le jeu en noir et blanc. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Oui, alors, il n'était pas bleu du coup. Et là, je sais que vous avez une question qui vous brûle les lèvres. Même si en vrai ça doit faire mal de se brûler les lèvres. Non, parce que moi, une fois, je sais que j'étais au boulot devant la machine à café de boisson chaude, là, tu sais. Et je regardais les lumières qui clignotent parce que je trouvais ça joli. Et un collègue, il me dit tu bois un café ? Alors moi, je lui dis non, là, je bois pas un café, je regarde les lumières de la machine. Il me dit bah là, je vois bien que tu bois pas un café, mais si tu veux, je t'en paye un et après, tu pourras le boire. À ça, je réponds merci, mais non merci, je ne bois jamais de café. Alors il me dit alors un chocolat ou un thé, comme tu veux, Osef, t'as vu, c'est pour être sympa, wesh, balèque, frère. Ray. Du coup, moi, Rouya, du coup, moi, je lui dis bah allez, je veux bien un chocolat chaud, sans sucre, avec supplément noisette. C'est chiant, putain. Mon collègue appuie sur le bouton chocolat chaud, puis sur le bouton sans sucre, et enfin sur le bouton supplément noisette. On va y aller. C'est tu penses qu'avec toutes ces lumières qui clignotent, bah moi, j'étais content. Au bout de quelques secondes, la machine sort un gobelet, tout chaud, tout rempli de bon liquide choco-noisette. C'est sans sucre. Du Pepsi. Je le porte à mes lèvres et tu sais pas quoi ? Eh ben, je me brûle les lèvres. Ah bah voilà. Non. Oh, putain, c'était chaud, hein. Oh, c'était chute. C'était même brûlant. Oh, génial. Pour apaiser la douleur, je vais à la machine à la boisson fraîche et je cherche un truc frais pour me débrûler les lèvres. Mm-hmm. Et je vois qu'il y a des boissons gazeuses type soda. Alors instinctivement, je choisis un Pepsi, bien sûr. Ouais, forcément. C'est quoi qu'on disait déjà ? Ah oui, une question qui vous brûle les lèvres. Tant qu'à jouer à un jeu importé du Japon, pourquoi ne pas jouer à un jeu qui en vaille vraiment la peine ? Comme Chrono Cross ou Dodonpachi. Oui. Il est pas bien Chrono Cross ? Il est très bien Chrono Cross. Jamais fait encore. Eh bien, je vais vous le dire. Pendant mon adolescence, mes amis et moi-même cherchions à nous démarquer de cette société patriarcale, vieillissante et castratrice. Afin de nous libérer des dictates de la bien-pensance latente à la conjoncture de l'époque, fondamentalement opiniâtre, nous devions nous forger une identité intrinsèquement personnelle, car comme tout adolescent, nous avions besoin d'exister autrement qu'à travers nos pères déchus. En clair, comme tout le monde buvait du Coca, ben nous, on buvait du Pepsi Max. Parce que... Bah le Pepsi Max, c'est cool. Mais ça c'est du Pepsi parce qu'elle est bleue. Il n'y a pas de placement de produit dans la vidéo. Ah j'y arrive. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée et on va en parler d'ailleurs. Et où j'en étais où ? Voilà, parce que c'était cool. Et à nous tous, on buvait des dizaines de litres de cette merde par semaine, tu vois ? Il n'y a pas de placement de produit. Non, c'est pas produit. De placement de produit. Non, t'es gros. Ah, du coup, on du pas coup de... Bah non, le Max, il n'y a pas de sucre dedans. Il y a de l'aspartame, ça bouche les artères. Tu vois ? Oh là là. C'est ça que t'es ok, Marty. Que disais-je donc ? Et on buvait des dizaines de litres de cette merde. Du coup, quand un de mes potes est tombé par hasard sur ce jeu Pepsi Man, il a attrapé le diabète, du coup. Pepsi Man ! Il est mort. Mais c'est ça à chaque fois. Mais quelle ligne de basse ? C'était comme un signe qui nous confortait dans notre débilité juvénile. Le grand canard blanc. Là. Ainsi donc, nous voilà tous réunis dans la cave, parce qu'on jouait dans les caves à l'époque. Je sais pas si chez vous c'était comme ça, non, mais chez nous dans le village, tous les plus les, grenier, les pièces. Ah ouais, c'était grenier. Je vivais pas chez des pédophiles. Mais t'as la team Tobo, grenier cave, team grenier, team cave, moi. Alors tellement de trucs à biper. Team Allen. Team. Oh, il est fort. Donc ainsi donc, nous voilà tous réunis dans la cave de mon pote sur un canapé de récup, jouant sur une télé de récup avec une table basse de récup et même des verres de récup remplis de Pepsi Max. Des potes de récup. Nous étions tous un peu des... Il est en train d'enlever son pull, il peut pas appuyer sur le bouton. La galette enfournée dans la console, le jeu se lance enfin. C'est un runner, vous voyez ce que c'est les jeux runner ? Faut courir. Bah non, faut pas courir, il court déjà le personnage. C'est ça le principe des runners. Un c'est un runner, un jeu où le perso court donc. Hein. Aujourd'hui, tout le monde sait plus ou moins ce que c'est un runner. Il y a beaucoup de jeux de ce type, particulièrement sur mobile... Genre Temple Run ou Tomb Raider Relic Run. Tomb Raider. Mais à l'époque, c'était loin d'être la grande mode. Cortège. À part éventuellement Hugo Délire, qui ressemble vite fait à un runner. C'est pas con ça, ouais. J'en avais jamais vu avant. Et c'est d'ailleurs, pas vraiment un jeu non plus. Isabelle Morizet aka Karen Cheryl, en vrai, hein, on est tous d'accord que c'est pour ça qu'on regardait Hugo Délire. Hein. Comme je trouvais ça super cool comme les jeux sur téléphone, c'était déjà nul dès le départ. Oui, merci. Voilà. Bravo. De putain de latence d'ailleurs sur ce jeu. Dans le jeu Pepsi Man, le scénario est simple. Un camion de Pepsi. Je t'ai prévenu. Mais je peux même pas mettre la musique avec tes conneries. Mais tu vas la mettre. Jamais. Je te dirai quand. Dans Pepsi Man, le scénario est simple. Un camion de Pepsi qui se renverse, des canettes éparpillées partout sur la route. Oh là là là là. Et Pepsi Man, le sauveur. Pepsi Man, le sauveur qui court à travers rues, jardins, maisons, chantiers, métro, égouts, usines, déserts, mines, villes en feu pour tenter de récupérer les 100 canettes par niveau. À combien de niveaux ? Ne parle pas pendant le jingle. Ou Martine, hein, même combat. Pepsi Man ou Martine, même combat. Hein. Est-ce que ça peut éteindre les incendies en Australie ? Il y a 4 mondes. Il y a 4 mondes et il y a 3 niveaux par monde. C'est pas beaucoup en fait. Ah non, c'est pas beaucoup. Ça fait 12 plus ou moins. C'est pas du tout beaucoup, on est près. D'accord. C'est pas mal. Putain, ce que c'était dur. Pas de gros mots. Prépare-toi. Hein. C'est vrai ? Ouais. Fais chier, merde, je voulais vraiment pas dire ça, je suis con. Okay. Bah, tu mettras Pepsi Man quand t'as des gros mots. Putain, ce que c'était dur. Bon. Bon, en vrai, t'étais pas obligé de choper les 100 canettes pour gagner, mais si tu le faisais, tu débloquais des apparences pour Pepsi Man, genre Pepsi Man 1980, comme donc ça il était pète. Rouge. Mmh. Et gros. Pepsi Man, non, le teu normal. Pepsi Man transparent ou Pepsi Man encore en fil de fer. Il est en métal, il est en métal un peu chromé. Pepsi en alu. Il est en, ouais, il est en canette en fait. Ouais. Il est vraiment de la couleur là. Regardez bien, pas de placement de produit. Hein. Je suis pas et payé recyclable pour ça. En plus. T'es pas payé, c'est encore pire. Donc pour réussir ce challenge, vendu. Il fallait faire preuve de rapidité, de réflexe, de concentration, mais aussi et surtout, il fallait connaître tous les niveaux par cœur. Mmh. Pepsi Man. Pepsi Man. Pepsi Man court tout seul. On peut ralentir, accélérer, sauter, glisser sur le sol, aller à droite ou à gauche. Le jeu était assez fun dans son ambiance, dans ses décors et surtout son humour. Malgré la difficulté, on y prenait du plaisir. Un les niveaux étaient variés. Ah merde, j'ai loupé. Oh ouais, c'est vrai, comme mon mariage quoi. Les niveaux étaient variés et à chaque fin de monde, on avait droit à une petite vidéo avec un acteur live vautré dans un fauteuil en buvant du Pepsi et en mangeant des chips ou de la pizza. Ah. Ou même à un moment, il claquait un bon gros rot en mode Homer Simpson. C'était qui les acteurs ? C'était assez sympathique. Non, c'était un mec journal, c'était un ricain typique. Hein. Ah ouais. Bah, il buvait des canettes et il lâchait des rots. Le jeu avait un côté addictif que je n'explique pas et que les runners d'aujourd'hui n'ont pas du tout. On y a joué pendant des heures, à tel point qu'à un moment, on s'était inventé un petit jeu des billes d'ado. Aujourd'hui, je me rends compte que nous avions inventé le premier jeu à boire sans alcool. Oui. Fin Dieu. En ces temps, nous ne buvions pas d'alcool. Ah. Hein ? Le principe était simple. Nous devions boire un verre de Pepsi Max à chaque fois que quelqu'un ratait une canette dans le jeu, même si c'est pas toi qui jouais. Mmh. Et nous oui, avions le et nous n'avions pas le droit d'aller pisser avant de finir le jeu entier. Manger, c'est tricher. Faut environ 45 minutes hein, pour finir le jeu en mode je meurs jamais une seule fois. Autant dire que nous, on finissait plutôt le jeu en 2 voire 3 heures. C'était mauvais quoi. Et nous avions donc appelé notre jeu à boire sans alcool le Pipipsiman. Balèze. Oh là là. On avait 15 ans hein, les gars, on avait attends, voilà. T'avais 15 ans en 99 toi ? Bah ouais, je suis né en 83, fais le calcul. Bah, ça fait 16. Oui, mais moi je suis de novembre. Eh, moi je suis de novembre, donc en été 99, d'accord. J'avais 15 ans. Non, mais d'accord. Ça va ? Ferme ta gueule ! Moi le premier. Chacun avait sa technique pour ne pas se pisser dessus. Je sautille tout en jouant, je serre les jambes comme si j'avais une mini jupe, ou je me pince le poudus aux yeux, bref, tous. Qu'est-ce qui marche alors ? Bah, tu vas voir. C'était digne d'un vendredi tout est permis chez Arthur, sauf que chez nous c'était marrant. Ce soir, c'était un soir, je me souviens, c'était un soir après une journée où il faisait méga chaud, mais genre méga chaud sa mère. Méga chaud comme là maintenant. Même méga chaud sa grand-mère. Sa race de sa grand-mère. Puisque les EHPAD avaient dû tous fermer pour cause de chômage technique, ah oui. On s'était lancé dans une petite partie de Pipipsiman. Bon, salut. Pipipsiman. Fort. Je crois qu'on a... Tu vas mourir, toi. Je crois que je vais aller pisser là. Donc, nous avions bu nos 2 litres de Pepsi réglementaire avant de lancer les hostilités. Tu peux mettre plus fort, j'ai pas entendu. Après... Je sais pas pourquoi, mais je sais pas ce que ça a rien bougé en fait. Voilà. Donc, que disais-je ? Nous avions bu nos 2 litres de Pepsi réglementaire avant de lancer les hostilités. Et après une heure, on se serait cru là aussi dans un EHPAD à la limite de l'incontinence. En deux mots. Viens. Mon tour de jouer, j'opte pour la méthode « je sautille sur place ». Je suis dans le niveau du désert, pas l'un des plus hard, mais quand même un niveau costaud. Je sautille encore et tout se passe bien. Sauf qu'à chaque fois que je sautille, je tire un peu sur le câble de la manette. Oui, en 99, les manettes avaient des câbles. Et sur le zozio aussi, tu dis. Et sur le zozio, non, moi je faisais la technique qui sautille. Ah oui, c'est vrai. Ah. Voilà. Et donc réciproquement, si je tire sur la manette, je tire sur la console. Ça me semble qui, au bout d'une cinquantaine de petits sautillages, se voit tomber du meuble. Dans un réflexe éclair, certainement acquis en jouant à... Je peux pas. Pepsi Man. J'enlève mon casque si tu le fais. Mon pote saute du canapé de récup. Voilà, comme ça. Pour sauver la machine, emportant avec lui tous les verres à moitié pleins de Pepsi Max avec lui. Hein. Ça fait mal. C'est con parce que s'ils avaient été à moitié vides, ben, il y en aurait eu moins de renversés. Sur la table de récup, sur le canapé de récup, sur la télé de récup, mais heureusement, pas sur la console. Ah. De récup. On a nettoyé ce merdier comme on a pu. Autant vous dire que ça continuait à coller en hiver. Je rappelle qu'on était en été. Mais t'as foutu en l'air combien de baraques comme ça? Parce que déjà le tapis la dernière fois. Ça fait 3 depuis la 4e chronique. Voilà, c'est ça. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est tout d'abord que Pepsi ne m'a versé pas un seul centime pour cette chronique. Les salauds ! Que mon pote a déménagé en janvier 2000 et n'a certainement jamais nettoyé cette pièce correctement. Et qu'enfin, même sans alcool, on avait envie de pisser, on faisait des trucs débiles et on a cassé et renversé des trucs et tout ça sans avoir une excuse valable genre « Excusez-moi, c'est la bière ». C'est d'ailleurs peut-être inconsciemment que suite à cet épisode de ma vie que j'ai été convaincu d'ajouter de la vodka dans mon Coca-Cola. Allez. Bonne année à tous les copains. Est-ce que ce jeu est bien quand même? Attention. Jeu bien. Ah non, même pas, il le fait pas à chaque fois. Non. Ah, le salaud. Alors, excusez-nous pour le son. Je sais pas la petite histoire de la musique. La musique est différente à chaque niveau. Mais c'est en fait un remix de cette musique-là. Ouais. C'est sympa. Il y a même hein. une version rap, il y a une version rock, il y a une version un peu apocalyptique. C'est comme dans les Tonton Flingueurs quoi. C'est sympa, mais pendant 3 heures sur 12 niveaux, je suis pas sûr quoi. Non, mais le jeu dure 45 minutes. Ouais, le jeu, alors le jeu en vrai dure. Si tu veux vraiment zéro erreur, en 35-45 minutes, tu l'as terminé. On salue Dindon qui nous dit magnifique pull Juju. Merci Dindon. Voilà. Mais écoute, voilà. C'était. Bah, merci, moi, j'ai toujours cru que c'était un jeu de baston. Bah non. Et alors, est-ce qu'il n'était pas personnage dans un jeu de baston genre Fighting Viper? Il est personnage dans un jeu de baston. Super Smash Bros. Non, je sais plus dans quoi, mais je l'ai vu. Il me semblait que c'était Fighting Viper, mais je suis pas sûr. Pas impossible. Je ne sais pas. Alors regardez. Écrivez-le en dessous. Dindon, par exemple, tiens, recherche voir. Tiens, Dindon. Dindon, vas-y, sors-toi un peu les doigts, quoi. Alors, je vais quand même essayer de comprendre pourquoi nous avons eu un son aussi fort tout à l'heure. Je sais pas ce que t'as fait. Parce qu'on a entendu Pepsi Man et maintenant on est tous sourds. Tout d'un coup. Quoi? Alors, je n'ai rien touché. Et c'est même pas le diabète, quoi. Alors, juste pour finir la chronique, un petit moment ASMR. Oh là là. Là, tu m'as. Quelqu'un comme ça a tapé dans le rouge. Oh, c'est incroyable. Et par pitié, vendeur de soda, mais envoyez-lui au moins quelque chose, quoi, un truc. Donc, t-shirt, je sais pas, moi. Pepsi, Coca-Cola Company, Dr Pepper. Petit drapeau. Bryce Cola, Auvergnat Cola, Corsica Cola. Faites quelque chose, envoyez-lui un goodies, Abdoula. Quoi. C'est fini, oui. On est où, là? On est dans la radio de votre grand-mère, ou quoi? Bryce Cola, Bryce Cola. Avec un apron sur la tête. Voilà, ah bah, oui, exactement, avec une corne cornoyaise ou bon, puisque c'est comme ça, nous allons passer à la deuxième partie de l'émission, puisque je vous sens un petit peu dissipé, là. Émission, Game Trip FM. Le jeu vidéo, c'est dans les tripes, et sur Game Trip FM. 0% coton, 100% oldies. Suivez-nous également sur gametrip.net, www.gametrip.net. Je vais créer un Pepsi. Net, la référence des jeux vidéo. C'est toi. Je vais créer un Pepsi.gametrip.net. Tiens. Bah fais donc. Pour aller sur l'émission. C'est bien, ça a eu l'effet escompté. Hein. J'espérais très sincèrement qu'à un moment, tout le monde ait le Pepsi Man. Je l'ai. J'ai envie d'y jouer d'ailleurs. Ce soir, vous l'aurez. J'ai vraiment envie d'y jouer. Mais je vous invite à y jouer. C'est quand même rigolo. Hein. Bah c'est marrant parce que je pensais que ton truc, c'était justement qu'on ait tous envie de pisser, ce qui a fonctionné également. Quoi. mais carrément. Ouais, à 66%. Là, je me retiens parce que je suis curieux de savoir ce qui va arriver dans la suite de Game Trip. J'espère que vous, là-bas, les auditeurs, vous attendez également la suite. Merci parce que aux deux nouveaux abonnés. Je suis extatique et on a doublé plus de. Non, on est à ça. Je vais pas le donner, mais on est à ce chiffre-là. Il est écrit. Bah en même temps, vous le voyez, c'est écrit en haut. Oh, ça a l'air c'est marrant. Je pensais même, pas que le truc pouvait bugger à ce point-là. Qu'il y avait des qu'on pouvait plus lire le chiffre. Ah oui, bah on voit plus que deux chiffres. C'est incroyable. on voit plus que les deux premiers là. Normalement c'est 29 000. Ouais. Et là on voit plus que le 29. Mark Zuckerberg like, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Bref. Très bien. Nous Pepsi sommes. Pepsi Man like. Merci d'avoir pensé à moi. Ça fait 30 ans que j'attends. Pepsi Man est là. Il est tout rouillé. Il est dans un fauteuil. Désormais, donc on va passer au gros débat. Il n'y aura plus qu'un seul gros débat par émission. Et il est pas si gros que ça, il a juste pris un peu de poids. Bien joué. C'est incroyable. Bravo. Ils se liguent. Tu me trouvais pas gros. Non, mais ça, c'est parce que je l'ai dit, tu vois. Ouais, c'est tout. C'est la, et c'est aussi la tous les auditeurs là, qui nous disent il est gros quand même, le mec du milieu. Bande de cons. En plus, pas il a pas de pull moche. Faut prendre des bonnes résolutions. J'ai un t-shirt beau. Et alors, tiens, je vais rebondir sur ton t-shirt. Savais-tu que le scénariste est décédé, je crois, ces temps-ci? Oui, je sais. Des Autobots? Non, Goldorak. Ça ressemble vachement. Donc, c'est Gonagai qui est mort? Mais non, c'est Gonagai, ouais. Mais non, c'est le scénariste qui est décédé, c'est pas Gonagai. Le Gonagai, c'était le dessinateur. Non, mais c'est lui qui faisait les deux. Ah ouais, peut-être pas. Ah, il faut un débat. Ça aurait été Gonagai, je pense que j'aurais pas. C'est un truc alternatif. Ils font une émission parallèle, en fait. Ouais. Ah, en fait, tu non, mais parce que c'est pas si mal. Du scénariste qui faisait les scénarios. Qui faisait les scénarios, mais des épisodes. Voilà, mais dans la spéciale Goldorak. Oui. Oui, non, j'avais pas vu. Je croyais que c'était Gonagai, moi. Non, mais c'était Gonagai, j'aurais pleuré un peu plus. Mais vous dérange, j'ai vu qu'il y avait un truc. Parce que je suis abonné à une page Facebook. Goldorak machin. Moi, un jour j'ai pissé par la fenêtre. T'es quoi Noël? Bah, on peut vendre du Pepsi. Sinon viens, on fait une émission tous les deux. Non, bah ouais, écoute, voir, au moins on aurait le double, le double d'auditeurs. Je suis quand même bête. Il y a juste vous trois. Ah bah voilà. Alors du coup. Donc désormais l'émission va s'articuler sur autour d'un gros débat qui va nous laisser un peu plus de place pour en parler quand on n'a pas de débat parallèle à côté. Et on va parler ce mois-ci de la place d'une minorité encore moins visible que la femme et les noirs dans le jeu vidéo, c'est le PNJ. Pourquoi on parle du PNJ? Parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y a un film qui va sortir le 1er juillet avec Ryan Deadpool Reynolds, Free Player, un PNJ qui prend conscience qu'il est dans un jeu vidéo et qui veut devenir le héros. Mmh. Alors le pitch, c'est extrêmement pompé selon moi sur l'excellentissime Truman Show. Ouais, c'est un peu ça. Y a de l'idée. Mais ça a quand même l'air pas mal. Et l'idée est assez cool. Il me semble pas avoir déjà vu ça dans un autre film. Vas-y, tu l'as dit dans Truman Show. Non, mais c'est pas un PNJ dans Truman Show. On sait pas. On sait pas, oui. Ça pourrait être si très bien. On sait quand même à la fin ce que c'est. Ouais, mais... si on le prend d'une autre. Ouais, c'est un PNJ de notre angle, ouais. C'est un PNJ de. Ryan Green Lantern Reynolds. Ryan Deadpool Reynolds. Bah, ça, Ryan Deadpool Reynolds deux fois, mauvais et bon. Et Truman Capote Show, c'est ça. Mais du coup, les PNJ, on va parler des PNJ. Est-ce que vous avez un souvenir marquant d'un PNJ dans un jeu vidéo? Je pense qu'on a tous le même. Si je vous dis, j'ai pris une flèche dans le genou. Ah ouais, mais non. Ah non. Pas celui-là. Eh non. Vous l'avez pas? Ah bah si, moi j'ai pas Skyrim, évidemment. Moi aussi, voilà, moi aussi j'étais un aventurier. Bah tous les PNJ en Skyrim. Mais voilà, ça c'est un PNJ. Enfin, c'est, moi c'est Stan, le vendeur dans Monkey Island. Stan, c'est le vendeur qui parle tout le temps. On appelait ça des PNJ à l'époque, on appelait ça des personnages tout court. Bah oui, mais voilà, mais c'est ça. C'est un PNJ, mais on appelait pas ça un PNJ. Il était joueur parce qu'il amenait quand même un peu de l'eau au moulin, il amenait des objets. Il est pas joueur parce que tu le prenais pas jouer. C'est ça, un PNJ, c'est vraiment un gars que tu peux pas jouer. Moi je pense à quelque chose. Il contribue à ta quête, quoi. Vous allez peut-être me contredire, je pense à David Bowie dans Nomad Soul, mais. Alors, je pense que c'est plutôt un chanteur et pas un joueur de jeu vidéo, un PNJ de jeu vidéo. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le truc, la frontière est mince. Mm. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Juju, toi? Je comprends pas ce que tu viens de dire. David Bowie. Oui, c'est chanteur. C'est celui qui faisait Let's Dance. Ouais, je vois pas ta référence, je connais pas. Oh, il a des références, tu sais qu'il y a que lui qui a des fois. Tu fais comme nous, depuis le début. Tu fais ah, mais trop. David Bowie dans un vieux barcrat, dans un bubi. David Bowie dans un bubi. David Bowie, oui. Alors attends, bah, je vais vous laisser les autres répondre et je vais réfléchir parce que du coup ça bon, me... Moi sinon il y a le Sergent Mou dans les Chevaliers de Baphomet. Dans Broken Sword. Bah, t'as le clown aussi. C'est un méchant, hein. Spoil. Ouais. Ah, mais raconte pas la fin, je l'ai pas terminé. Est-ce que t'as mis ton costume de clown? Oh non, mais je savais pas. C'est bientôt la Chandeleur, tu peux mettre ton costume de clown. Avez-vous vu ce nez rouge? Alors que je me réveillais, tout ce que je pouvais entendre était le bourdonnement lointain des voitures. Première phrase du truc. Balèze. Alors moi, est-ce qu'on peut considérer une voix off comme un PNJ? Ouais. Alors moi, il y a comme... Non. Non. Parce que si tu veux, c'était un livre... Hey, look, listen. Non, c'était dans Diablo 2. Il y a un livre, il y a des quêtes que tu peux choper en ouvrant des livres qui traînent un peu partout. Il y a une phrase que je connais quasiment par cœur parce que je sais pas, je l'ai retenue. Fais donc. C'est Ordon, il advint que la comtesse qui se baigna dans le sang revigorant d'une centaine de vierges. Ah, Elisabeth Báthory. Tentait revivre, exactement. Voilà, ça c'était. C'est beau. Voilà, et c'était j'aime bien son château, théâtre de tant de cruauté. Ça c'est que t'as, c'est que ça t'a marqué en plus. Ouais, voilà, c'est pour ça. Comme quoi ça. Vraiment, c'est un truc marquant. C'était cette voix off et. C'était un livre en fait, ce qu'on peut en dire. Moi, sur certains jeux, j'ai même plus d'affinité avec les PNJ qu'avec le héros. Enfin, ça a un peu bougé maintenant. Ils sont beaucoup plus charismatiques que d'autres personnages jouables dans le jeu, quoi. Ça a un peu changé avec le temps quand même, hein, parce que il y a quand même une époque où les jeux, on va dire que les personnages fonctionnent, quoi. Ouais, ils se faisaient un peu moins chier sur certains backgrounds, et maintenant, comme ils essayent d'avoir un lore énorme, genre comme dans Skyrim, où t'as tous les personnages que tu rencontres vont avoir un vrai background et qui pourront t'expliquer et tout, tu t'identifies peut-être plus des fois avec des PNJ que t'avais avant. C'était vraiment des mecs qui balançaient les point and click, hein, c'était des mecs qui te donnaient juste une quête pour aller. Ouais, tant que t'as pas dit la bonne phrase, ils te répondront toujours la même chose. Ouais. Quoi. Je pensais à la boule également, tu sais, dans Portal, mais Portal 2, j'ai cru Fort Boyard. Ouais, dans Fort Boyard, ouais. C'est un PNJ lui. Ouais, c'est vrai, c'est un PNJ. C'est un PNJ en même temps. Bon, bah alors la boule. la boule paie à ton âme. Mais pour le coup, c'est vrai. Et qui était vendeur chez Obut. Et c'est pas une plaisanterie. Hein. Il était vraiment vendeur chez Obut. Oh, merde. C'est pour ça qu'il l'appelait la boule. Et puis ouais, c'est et ouais, je pensais donc à l'espèce de boule. Je sais plus son nom. Par contre, dans Portal 2, qui te donne un petit peu le tuto de départ, qui est assez rigolo d'ailleurs. Très bon personnage. Comme tout le monde, comme encore un jeu que j'ai vu tout seul, c'est ça. Personne n'a joué à Portal 2. Si, Portal 2. Si vous avez joué à Portal 2, faites un like. C'est pas un jeu rétro, donc moi je connais pas. Ouais, c'est plutôt jeune, hein. Bah, oh, quand même. Bah, après, je sais pas, en PNJ, bah après, c'est pas un jeu rétro non plus, parce que les PNJ qui m'ont le plus marqué, Jay, j'aurais eu besoin de toi là maintenant tout de suite, c'est les personnes qu'il y a dans World of Warcraft. Ouais, je suis mauvais. Hein. Puisque. Ce qui est intéressant dans World of Warcraft, c'est que souvent les devs, ils ont mis des clins d'œil à des personnages soit des personnages de leur famille, soit des personnages qui existent réellement, qui sont très connus, des mecs qui sont morts et pour leur les honorer, ou des personnes qui sont des fans du jeu qui sont morts, je trouvais ça c'est une autre dimension du PNJ qui fait que c'est quand même ça enrichit un jeu avec des choses de dans la réalité, quoi. Ça casse un peu la frontière du truc. Est-ce que vous préférez un jeu où il y a plein de PNJ qui vous donnent un peu à la Skyrim, où c'est ouais, plein The de PNJ Witcher, tu prends The Witcher, Witcher 3, qui vous donnent des quêtes, qui discutent avec vous, ou finalement on voulait The PNJ qui servent à rien. The Witcher. Par exemple, dans The Witcher, plenty, justement, t'as le plenty. Merci pour la bande son. J'ai une pièce, son sorceleur. C'est bon, j'ai coupé le micro. En fait, dans The Witcher, t'as les deux PNJ, on va dire le gars de base qui sert à rien, qui fait juste son petit chemin et puis qui fait sa petite vie, quoi. Et t'as le PNJ important qui va être là pour te donner Grand ta quête. Grand humble barde. Et que tu peux re-rencontrer plus tard dans ta quête si tu l'as aidé ou pas aidé. Il va agir sur le scénario. Faut que ce soit bien dosé, parce qu'il y en a, c'est des PNJ casse-couilles. Ça se passait pas comme ça. Dans les jeux rétro, t'avais un PNJ, il était juste là pour faire son truc et puis basta, quoi. Ouais. T'entendais plus parler de lui. Mais j'ai l'impression que ça évolue. Et peut-être que le film va jouer sur ce terrain-là, justement. Parce que ça, PNJ les qui PNJ sont ça. Inutiles ou ils deviennent de plus en plus importants dans les jeux, les PNJ. Hein. Mais après, moi, là, depuis qu'on me parle, j'essaie de me souvenir de quel était le premier PNJ que j'ai croisé. Et je crois bien que c'est Todd, les enfants. Hein. Ouais, il y a moyen. Dans quel jeu le premier dans Mario. Dans le premier Thank you, Mario, but your princess is another castle. Est-ce qu'on peut s'entendre sur la définition de PNJ? Parce que dans le Todd, le mec, il subissait. Alors que le PNJ, des fois, quand même, a une incidence sur l'histoire. Non, là, clairement, il te dit d'aller dans un autre château. Tu peux le prendre mot à mot, quoi. C'est un personnage non-joueur, donc c'est tous ceux qui peuplent le monde, mais que tu ne vas avec qui tu ne vas pas jouer. Mais regarde le Goomba, c'est un personnage non-joueur aussi. Tu vois, oui, mais il faut qu'il parle aussi. Tu vois. Moi, personnellement, je mettrais le PNJ, je le classerais dans tout ce qui est pas boss, pas ennemi, pas truc que tu joues. Ouais, sidekick. Le vendeur d'armes dans Wonder Boy. Ou pareil, le mec qui te vend la moto dans. Comment il s'appelle Alex Kidd. Alex Kidd. Pour moi, c'est un PNJ. Quoi. Ouais, putain, c'était bien ça. Mais je crois que le premier, c'était pas Alex Kidd. Moi, le premier que j'ai dû vraiment jouer, ça devait être. Ça devait être Todd. Alex Kidd, j'ai découvert après. Ouais, ou alors ton combattant dans Barbarian, par exemple. Tu prends c'est un PNJ, quoi. Tu te bats contre lui, mais tu peux pas ah, j'aurais pu classer le petit gobelin qui vient shooter dans la tête, là. Ouais, j'aurais plutôt mis lui en PNJ. Qu'est-ce qu'il est devenu, lui? Eh ben, il est dans les commentaires, il nous dit. Il bosse dans quoi, lui? Apparemment, il est vendeur chez Darty. Ah. Oh, il a pas trop mal fini, mais bon. Et bah, du coup, dans les commentaires, pour ceux qui regardent l'émission, là, vous deux. Et, si vous pouvez éventuellement trouver le plus vieux PNJ que vous avez en tête, ça peut être pas mal. Moi, j'en pensais à un, c'était à celui qui était dans... Tu sais, la gargouille qui était dans Gargoyle's Quest. Ouais. Quelque part, c'était un, c'était un ennemi dans Ghouls and Ghosts, et c'est devenu son propre héros. Et je pense qu'on... Bon, c'est moi, c'est le plus vieux que je peux citer de mémoire. Hein. Mais effectivement, là, on est sur un ennemi, hein, pas un personnage, du coup. Qui est devenu en lui-même un héros, quoi. Et je me demande s'il n'était pas personnage non joueur dans son propre jeu, quoi. Voilà. Ouais. Et s'il a pas eu. Bah, Wario est un PNJ qui est dire, oui, c'est pas exactement. Le seul, hein, Wario. Ouais. Yoshi. Il y a, des PNJ qui terminent bien finalement. On pourra mettre ça à la une de l'Express. Voilà. C'est l'avenir. Voici, Yoshi, voici, c'est un peu un hybride en même temps. Yoshi, j'allais dire, c'est pas un PNJ, c'est un power-up. Ouais. De base. Un vrai sidekick. C'est un vrai sidekick. Mais là, c'est le Robin de. Ouais, non, Robin, c'est pas un power-up. Si, mais ça, c'est parce que vous voyez pas. Derrière Solikra, il y a aussi. Ah, je sais pas. En vieux truc, c'est vrai que c'est rigolo. Tu parlais de Barbarian, j'ai du mal à citer les plus vieux. Effectivement, il y a Toad. Le vendeur de moto dans l'ex-kid. Qu'est-ce qu'on peut avoir avant? Après, il faut taper sur leur dinosaure. Sur Amstrad, sur Amiga. Il y avait Solstice à l'époque. Si tu prends Zork, il n'y a pas de PNJ, quoi. Bah non, c'était des trucs en mode texte. Voilà. Astéroïde. Mais, à mon avis, il y en a quand même dedans, quoi. Il y a quand même des personnages qui sont à l'intérieur. Bah, le PNJ vient à la base du monde du jeu de rôle et du jeu de plateau. C'est vrai, tout à fait. Du coup, forcément, dans les textuels, dans les RPG textuels, tu rencontrais des tas de PNJ. Mais c'est du textuel, mais t'en rencontrais plein, en fait. Ouais. Et pour rester sur le RPG un peu, même si maintenant, bon, c'est Fallout 76, c'est un PUBG plus qu'un RPG, le nouveau Fallout de Bethesda. Les PNJ, c'est devenu tellement important que là, cette semaine. Ils ont annoncé donc l'extension Westlanders qui ajoute des PNJ, ce qui était absolument nécessaire et qui n'existait pas sur la map. Alors que c'est quand même un jeu Fallout, c'est quand même un jeu de base, un RPG où t'en rencontres quand même pas mal. Et ils en ont rajouté, donc c'est une réponse aussi aux pirates qui avaient hacké le code du jeu pour ajouter eux-mêmes en décembre des PNJ parce qu'ils disaient c'est le truc qui manque le plus. Et moi, la question que j'avais, c'était c'est un peu le risque désormais. À force de faire du MMO, enfin même si MMO n'existe plus parce que c'est plus massivement maintenant, mais le online quoi, à force de faire des jeux online, du multi, les Dota-like, les Fortnite, tout ça machin. Et voilà, maintenant tu rencontres plus que des humains en fait. Ouais, c'est tes pas PNJ, faux, hein. C'est plus ouais, que des, c'est des autres gars en fait. Le PNJ disparaît en fait. En multi, c'est le but du multi, c'est comme avant sur ton canap, sauf que t'es devant ta télé, quoi. Donc forcément, tu rencontres d'autres gens. Ça rappelle un peu Ultimate Game, c'est pas pour ceux qui l'ont vu, avec Michael C. Hall dans le rôle principal. Alors c'est un film qui avait été traité dans l'émission de Karim Debbache-Crost, et donc c'était l'histoire d'un type qui devait gagner 20 fois une partie dans un genre de, pas de Fortnite, mais un peu plus violent, un genre de Doom, et qui gagnait. Et donc ceux qui avaient des petits délits étaient des PNJ. Et du coup, s'ils survivaient sans se faire défoncer la tronche par des grenades, ils sortaient de prison. C'était quoi? C'était Ultimate Game. Ultimate Game. Je crois que tu parlais Running Man, moi. Non. Non, Ultimate Game, c'est genre, t'es en prison, si tu veux sortir, faut que tu gagnes des parties. Mais en fait, t'es contrôlé par un joueur. Running Man, c'est... Voilà, t'étais contrôlé par un joueur. Quel rebond, vous l'aviez pas en tête. Alors, moi, je me rappelle l'avoir vu, c'était pas si mauvais. Donc, l'idée de départ était pas mal. Après, c'est vrai que, comme dirait Karim Debbache dans son émission. C'est-à-dire, feu Karim Debbache, si tu nous entends. Voilà. Comme disait Karim Debbache, c'est vrai qu'il disait que c'était. Il y avait une façon de représenter les joueurs de façon un peu grasse et dégueulasse qui était. Comment dire, assez péjorative. Mais l'idée de départ était pas inintéressante, notamment si on parle de PNJ, quoi. Après, même si on. Correspond au film, c'est un peu le figurant du jeu vidéo. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ah oui, tout à fait. Des figurants qui ont des grands rôles et des figurants qui ont des. Oui, voilà. Figurants qui parlent pas. Effectivement, t'as les silhouettes, les machins. Silhouettes qui parlent pas. Et ça va quand même du figurant au. Presque au compagnon, quoi. Au second rôle, quoi. Team Curry, si tu nous entends. Brother. Mais moi, j'aime bien, par exemple, là, les deux jeux que j'ai encore installés, qui sont encore installés sur mon ordinateur. Tetris. Non, c'est des jeux récents, on va dire. Et des mineurs. C'est des jeux où il y a. Space Pinball. Comme j'ai pas envie de discuter avec d'autres gens en ligne. Même ici, t'as pas envie de discuter. Donc. Déjà à la base. Voilà. Ferme ta gueule. Je préfère avoir des PNJ. Et du coup, les deux jeux que j'ai là, c'est Red Dead 2, que je joue en offline évidemment, et Skyrim en offline aussi. Quoi. Skyrim, j'ai du mal. Deux jeux où il y a énormément. Trop riche peut-être. Bah justement, oui, c'est ça qui m'intéresse. Quoi. C'est pas très très riche en vrai. Ben, c'est pas très très riche comparé à ce qu'on peut te donner aujourd'hui. Un Witcher 3, un oui. RDR. Bah, c'est, un tout est basé sur Skyrim. C'est lui qui a plus. Enfin, même mais pas même Skyrim. Même Skyrim, je veux dire Elder Scrolls. Parce que si on passe sur Elder Scrolls 2, là, Arena, c'est la plus grande map du monde. Là, c'était je Arena. Pas, enfin, c'est pas la plus grande map du monde, mais c'est la plus grande map de jeux vidéo qui a été jamais créée. Non, non, il y a plus grand maintenant. Je suis même pas sûr. C'est l'Iran, je crois. Non, c'est Minecraft. Je crois. Non, ah oui, oui, c'est si. Parle pas de procédural. Non, c'est vrai. Non, c'est pas du procédural, c'est des gens bout, qui construisent. Il y a un bout, hein. Il y a un bout, hein. Si, c'est un peu procédural, mais. Bah, y a Minecraft, c'est un peu. Il y a beaucoup de gens qui construisent quand même sur Minecraft. Oui, mais je veux dire, la map, elle génère. La map, c'est de la procédurale, mais il y a quand même une fin à la map. Ouais. Mais je crois que c'est Minecraft le plus grand. Mais peu importe. Je crois qu'il y en a même d'autres. Il y a d'autres qui sont plus grandes que maintenant que Daggerfall. C'est pas la taille qui compte. Non, c'est le goût. C'est le contenu. C'est le goût. Ouais, le goût. C'est horrible, horrible. Légal. Allez, on vient de passer Peggy 18. Donc pour l'auditeur qui reste. Monétisé ou pas, parce que là, t'es strike. Hein. Peggy 18. Alors pour ou contre les PNJ dans les jeux vidéo? Ah bah pour, ah, tout à fait évidemment. Pour. Il en faut. Obligé. Sinon, c'est vide. Si tu veux raconter une histoire, il en faut. Ah ouais. Même si tu peux raconter des histoires avec un perso tout seul, mais après ça dépend le jeu aussi. Tu prends un puzzle game, tu rencontres pas. Tu fous là. Tu parlais des seconds couteaux tout à l'heure, effectivement. Il y a des types, on connaît pas les noms, mais je pense à Tim Curry. C'est un personnage, rien qu'à lui, portait certains films, quoi. Joe Pesci, c'est plutôt un second couteau quand même. Dans Maman, j'ai raté l'avion, notamment. Dans plein de films. Ouais, après, les PNJ peuvent aussi te saouler. S'ils sont mal dosés, tout à l'heure je faisais le Hey Look Listen, c'est un PNJ. Il voulait l'ajouter dans God of War, je crois. J'avais lu ça. Et en fait, le gars, au bout de 2 heures de jeu, il lui mettait une grosse claque. En fait, et puis attaqué. Je l'ai lu aussi il n'y a pas si longtemps. J'ai lu il n'y a pas longtemps aussi, ça m'a fait rigoler. J'aurais pu faire ça comme virus anti-piratage, ça aurait été cool. Quoi. Carrément, ouais. Pirate un jeu, tu peux plus jouer. Ah ouais. T'as la petite fée qui arrive tout le temps. Mais oui, ouais. PNJ, s'il est bien dosé, ouais. Pourquoi pas. Et moi, c'est marrant parce que la fée dans Zelda, elle m'a pas gêné plus que ça, quoi. C'est parce que tu as pas joué. Si, mais j'ai joué en émulation. Arrête. Mais tu sais, à l'époque, moi, déjà, t'as un jeu qui parle. Pour moi, c'était le futur, quoi. C'est qu'on va dire, hein, mais. Ouais. Faut peut-être replacer dans le contexte aussi, quoi. Peut-être, je sais pas. Jack a 67 ans. Oui. On vous le rappelle. Il est à la retraite. Et en parlant des pads, d'ailleurs, ça s'écrit EHPAD. T'as fait une faute sur ton truc. Ouais, on s'en bat la race. Et quand on a mon âge, eh ben on regarde les fautes d'orthographe. Hein. Tout le monde s'en branle. Psartek. Ouais, Psartek. Psartek, ça veut dire que vous intéresse. Ouais. Bon, bah, Balek alors. L'orthographe est relatif. Le jeu vidéo, c'est dans les tripes et sur Game et dans les EHPAD. 0% coton, 100% oldies. Suivez-nous également sur GameTrip.net. www.GameTrip.net. Et EHPAD. GameTrip.net, la référence des jeux vidéo oldies. Mais je suis en train de me dire que pour la première fois depuis le début de l'émission, quasiment. Depuis le début, on est à l'heure. On est dans les temps. On est dans les temps, on est même en avance. Oh ! Comme dirait le petit Grégory. Eh, en avance. Tu sais pourquoi ? Je vais te le dire pourquoi. Parce que ta chronique était plus courte. Parce que ma chronique était plus courte, mais lui, on n'a pas fait. Ah, ah oui ! En effet ! C'est tout, hein ? Non, je valide, il a raison. Pepsi Man. En vrai, les gars. On est d'accord, là. Merci, Yako. Hein, allez bien. Je vous ai fait découvrir un truc, je suis heureux. Ouais, j'aurais été persuadé que c'est un jeu de baston. Pas forcément être heureux pour ça, mais. J'espère que tu l'as, qu'on puisse je faire une partie. Je peux te rendre heureux autrement, si tu veux. Un peu comme ma bite. Exactement. Nous en sommes à la deuxième chronique qu'il n'y aura pas cette semaine, puisque... La musique, c'est cool, faut en écouter. Et voilà. Merci pour cette chronique. Il y a plein de musique super sympa. Eh bien, on va la faire tout de suite. La chronique musique, avec Jack. J'ai pas mis tout à l'heure quand... J'ai pas mis ton jingle tout à l'heure. Ah, tu m'as pas mis mon jingle. Tu veux que je le mette maintenant ? Allez, on s'en fout. On met attends, tous les attends, je finis ma chronique. Le thème de Final Fantasy VII sont vraiment à écouter. C'est vachement sympa. Ils sont sortis en vinyle chez Sony et ils sont pas foutus de me dire s'ils ont fait des remixes ou pas. Donc voilà, Final Fantasy VII, c'est disponible chez tous les bons disquaires indépendants. Et la musique est sympa à voir si ça a été remixé ou pas sur des PictoDiscs 80€. True story, bro. True story. Avec Yako. Attends, je vais faire ta chronique moi-même. Voilà. Parfait, voilà. Attends, merci. On peut même faire mieux. Est-ce que tu peux me faire un là, s'il te plaît ? Là. True story. Oh, c'est boum, beau. Il était beau. On est en train de partir en couille ou c'est moi ? Non, c'est vrai. Alors, donc cette chronique, il n'y en aura pas cette semaine, mais ce sera la chronique. TechPaf, la chronique de. TechPaf. Oh, c'est beau. C'est ça. Beau TechPaf. Hein. Voilà. Bah, on en aura en plus, je pense. Et ce mois-ci, donc on va faire un petit bilan, puisqu'on est quand même en 2000. Faire un cap-kit bourré, tu vois. Là, j'ai changé un condensateur. On va parler de l'année 2019 quand même, parce que bon, même si on parle des jeux oldies, eh bien quand même, on a le droit de parler aussi des jeux de maintenant. Et 2019, donc du coup, qu'est-ce qu'on peut en dire, messieurs? La carte est libre, blanche, je sais plus comment on dit. Pour moi, c'était un bon cru. Après, je joue que sur console. C'est pas grave, ça peut arriver à tout. Notamment la PS4. La PS4 et pas la Xbox. Pour moi, le gros jeu de l'année, le gros coup de cœur, c'était Plague Tale. Jeu du studio bordelais. Très envie d'y jouer. Studio français. Si on a le nom, c'est encore mieux. Je sais plus comment il s'appelle, c'est con là. Asobo Studio. Ouais, voilà, c'est ça. Quelque chose comme ça. Hein. Et ouais, c'est vraiment un jeu avec une narration mature, des dialogues bien construits. C'est, enfin, ça m'a vraiment des PNJ de qualité. Des PNJ de qualité, ouais, ça m'a. C'est vraiment... quoi l'histoire un peu pour. C'est l'histoire d'une sœur et de son petit frère qui est un peu malade, qui sont obligés de quitter la maison parce que il y a des. Parce que la guerre de 100 ans. Il y a des personnes qui veulent kidnapper le gamin. Et le gamin a un peu des pouvoirs spéciaux que les méchants veulent garder. Et qu'on voit à la moitié du jeu, donc on va essayer de pas trop spoiler. Non, on va pas trop spoiler, mais après le contexte est assez intéressant. C'est pendant la période de la peste noire, c'est assez sombre. Guerre de 100 ans, donc. Peut-être. Contre les Anglais. Possible. On s'en fout. Je suis très mauvais en histoire. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Bah non, bah justement, je vais faire un parallèle. Donc, jeu que j'ai découvert grâce à Juju. Je te coupe et je te rends la parole. Vas-y. Donc, il se déroule pendant la guerre de 100 ans. C'est vrai qu'on est toujours entre trois ennemis, entre les Anglais qui sont les Anglais. Bah, hein, déjà des Anglais. Hein. Les rats. Et, c'est et l'Inquisition. Et ce qui fait. Il y a un sentiment des fois de. Ce qui est bien, c'est qu'on a toujours un petit peu ce côté. Ce côté sécurité et ce côté toujours angoissé, quoi. On est un peu entre les deux. Et c'est ça qui est assez fun, c'est finalement. On a très très peu de façons de se défendre. Et, mais c'est pas flippant, c'est assez bien écrit. C'est pas flippant, mais c'est dérangeant, le gamin. On n'est pas à l'aise, on est vraiment pas à l'aise. Des remarques assez bizarres, tu vois, tu marches sur des morts, le gamin il va dire pourquoi on va sur des gens qui sont en train de dormir. Enfin, remarques. C'est assez dérangeant dans la bouche d'un enfant d'entendre ça. Tu vois. C'est des remarques qui ont été dites par l'acteur d'ailleurs. Mais c'est. C'est-à-dire, c'est des remarques. Quand il a joué. Oui, voilà, quand le rôle a été joué, certains textes ont été changés. Et ce qui fait que, bon, moi qui ai des enfants, sont des réflexions qui étaient tout à fait logiques et qui étaient. Il y avait un côté très humain dans ce truc-là. C'était pas. C'est pas joué, quoi. C'est pas joué, voilà, c'est ça, exactement. C'est un gros coup de cœur, ils ont vachement bien bossé. Ils ont eu plein de prix aussi, on en parlera tout à l'heure, mais ils ont eu plein de prix. Très belle immersion. La lumière est magique, la musique elle est discrète, mais juste ce qu'il faut. Après, le gameplay est pas très novateur, on est plus sur un truc genre à la Metal Gear. On sent pas ce que ça aurait pu être un truc par épisode. Voilà, t'as une petite innovation de temps en temps qui fait changer un peu la manière de se cacher, de se faufiler, mais. Gros coup de cœur en tout cas. Nico ? Moi, je vais pas du tout être poétique comme vous, les enfants. Moi, j'ai joué sur mes chiottes. Ça suffit. Non, moi. Il se barre. Il a pas envie d'écouter. Un jeu auquel j'aurais aimé jouer, mais que je n'ai pas pu et que j'espère pouvoir jouer quand même bientôt. C'est sur Switch. Sur Switch. Ouais. Bah, Link Awakening. Ah oui. Le remastered. J'ai bon espoir de pouvoir y jouer. Je pense, avec le recul d'aujourd'hui, je pense que c'est mon jeu préféré, Link's Awakening, parce que c'est le jeu que je refais très régulièrement sur mon téléphone, n'en déplaise à Monsieur JV. Alors en couleur ou noir et blanc? Noir et blanc. Non, okay. Parce que, alors, le Link's Awakening DX, j'aime bien aussi, mais. Bon, les photos, les trucs qu'ils ont rajoutés, le temple des couleurs et tout, bon, je sais pas. Ouais, c'est l'original, le meilleur. C'est pas nul, mais c'était pour vendre les imprimantes Game Boy, là, hein, je sais plus comment elles s'appelaient, hein, ça servait qu'à ça. Ah donc, oui, voilà. Mais Link's Awakening, mais. Game Boy. Ouais, je joue la version noir et blanc très régulièrement, j'aime beaucoup ce jeu. Et je dirais que mon coup de cœur, encore une fois, Jay, tu me manques. Bah, c'est WoW Classic, hein, qui est venu cette année, qui était attendu pendant des presque décennies, j'ai envie de dire, par les joueurs. Gros coup de nostalgie, il y a beaucoup de. C'est encore très actif, je trouve. Il y a même des soirs, alors nettement moins quand même depuis Noël, là, mais il y avait même des soirs, on avait encore des files d'attente pour se connecter, c'était. Il y a vraiment beaucoup de monde. Les gens avec qui je joue, avec qui je parle régulièrement, sont plus ou moins dans le même état d'esprit. Je suis dans une guilde qui s'appelle Les Vieux Comptes, où tout est dit, quoi. Donc c'est super intéressant. Et vous êtes pas si vieux. Un dernier petit jeu Ouais, ah, mais c'est pour faire genre. Ah oui, non, mais ça. C'est pour faire genre, on était là dès le début, tu vois. Ouais. Ah. Et alors qu'en fait, Game Trip était l'avant. Un jeu qui est pas ouf au demeurant, mais qui m'a permis de rejouer avec un pote qui peut-être ne m'écoute pas aujourd'hui, enfoiré. Fonzi, et c'est Dauntless. Je sais pas si vous connaissez Dauntless. Hein. Non. En plus, c'est un cross-platform, donc tu peux jouer sur PC, sur PS4 et sur Switch. Et tu peux jouer tous ensemble. Ouais. C'est gratos, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est un espèce de Monster Hunter-like. Et puis voilà, tu joues à 4, tu tapes des monstres, tu réfléchis pas. C'est rigolo, sans prétention aucune. Les serveurs se vident un peu d'ailleurs, parce que je pense qu'ils ont un peu lâché l'affaire, ils font plus trop de contenu. Mais voilà, ça, tu peux faire des petites parties de 10-15 minutes quand t'as un petit trou dans ta journée. Tu peux te faire un petit Dauntless, c'est sympa. Voilà. Okay. C'est surtout gratos, quoi, donc ça permet de faire un petit truc. Si vous avez aimé Monster Hunter, c'est pas du même acabit, c'est quand même nettement moins bien. Mais c'est rigolo, voilà. C'est sorti là. Il y a 3 heures. 2019. Non, c'est sorti cet été, je crois. Je sais plus quand c'était sorti là. C'est sorti cet été. Tu me dis si on t'emmerde, hein, Julien. Non, un auditeur nous dit Jack, bien joué. Pepsi Man est bien dans le roster de Fighting Vipers. Ah, classe. Bravo. C'est vraiment un auditeur. Tu as gagné une capsule. Ouais. J'ai gagné un cul. J'ai gagné un Pepsi. Ah, merci. J'ai une question bête. Quand est-ce qu'est sorti Frostpunk? Frostpunk, c'était il y a 2 ans. 2018. C'était en 2018. Ouais. Parce que JDG avait fait une dessus. Il y a peut-être une extension qui sortira de. Non, mais j'allais dire Frostpunk. Parce que autant donc, quand tu m'as conseillé Plague Tale, j'y ai joué. C'est plus une stratégie. J'ai bien aimé. Je trouve qu'effectivement, il y a un survival stratégie. C'est un très bon film, mais c'est pas un très bon jeu. Bah, c'est un jeu qui se vit. C'est un jeu qui se joue. Alors moi, bon, j'y jouais pas forcément dans les meilleures conditions sur mon ordinateur et pas sur un écran de la mort. Donc c'est vrai que c'est un excellent jeu. Après quand je regarde, tu me parlais de 99, bah moi je crois que c'est Tetris 99 sur lequel je passe le plus d'heures. Et c'est comment dire, c'est son jeu de l'année sur Switch. Ouais. Bah faute de mieux, c'est-à-dire c'est celui où j'ai passé le plus de temps. Tu vois, autant Plague Tale est fantastique et là il a été couronné de succès. C'est fini quoi. Ouais voilà c'est ça. Alors Tetris 99 tu peux rejouer des milliards d'heures. Donc voilà. Et j'avais l'impression que Plague Tale était un petit peu comme une entrée en matière. Tu sens derrière, tu sais, avec tous les rouages de gameplay. Ils réfléchissent sur un deuxième apparemment. Ouais. Et donc tu te dis, quand t'arrives au bout, tu te dis, ça, je suis au bout des pouvoirs que je peux avoir. Ouais. Bah, à la fin, il est un peu catapulté quoi. Bon là, moi, j'ai fait le Dimension 3 qui était. J'étais content d'y jouer, mais c'était pas waouh quoi. C'était amusant, sympa. Ouais. Mais voilà. Pas chiant. Ouais. Rien de. Non, c'est pas le jeu du siècle. Voilà. Un Pro 99, il y a quoi qui est sorti qui mériterait de s'y attarder? Bah, 2019. Regarde le dossier. 2019 peut-être. Resident Evil 2 en 2019. Ah, bah ça me fait peur. On parle de 2019, mais il est parti sur 99. Ah, ouais, je vais dire pourquoi vous parlez de 99. Bah, fais pas 90. Parce que je vieillis. Pour savoir ce à quoi on joue en 99, on a le dossier sur Game Trip en ligne. Vous non, en 2019, c'est quoi qui est sorti qui mériterait de s'y attarder? Starcraft Bode Noir, les gars. Bah, moi, c'est Red Dead Redemption 2. Je crois que c'était. Ouais, Red Dead, ouais. Même si c'était un lot more expected, moi. J'ai tellement attendu depuis le premier, quasiment j'ai attendu le deuxième, que je me suis tellement hypé dessus. Je l'ai lancé, je l'ai acheté, j'ai lancé, j'ai joué une dizaine d'heures. Puis je l'ai revendu. Non, il a pas avancé du là, tout il dans l'histoire. J'ai joué à toutes les quêtes annexes et j'arrive plus à mettre 100 heures dans un jeu. Ouais, c'est compliqué à un certain âge. Les deux seuls où j'arrive encore, c'est les deux qui sont encore installés, c'est Skyrim et GTA V. Je suis content de t'entendre parce que je ressens la même chose. Mais c'est j'arrive plus à me mettre dedans aussi longtemps et aussi. Dans un univers aussi grand. Ouais. Est-ce que c'est générationnel ou pas? Est-ce que ce serait pas le moment d'inviter des participants qui ont moins de 20 ans? Je pense pas que c'est générationnel parce que les moins de 20 ans te diront qu'ils n'arrivent pas à se mettre là-dedans parce qu'ils jouent, comme moi maintenant, je joue que à des jeux que j'appelle des jeux à picorer, tu vois. Ouais, c'est ça, tout à fait. Si je joue que à des jeux où je peux jouer une heure, grand max, une demi-heure même, et j'arrive plus à mettre. Pourtant, c'est les jeux que je préfère. Des RPG immersifs où t'as des quêtes annexes, où t'as un lore énorme derrière, c'est les jeux que je préfère, mais j'arrive plus à y jouer. Sauf des trucs qui me procurent encore des sensations à la Skyrim ou à la GTA V parce que c'est hyper fun toujours. Ça a toujours été un jeu hyper fun GTA et que tu peux aussi picorer. Ouais. Quand t'as fini le jeu, en plus tu peux vraiment y rejouer juste pour faire le con et écraser des flics. Il ne faut pas faire ça chez vous, évidemment. Hein, ouais, sinon. Tu peux aussi le faire dans Red Dead, quoi. Mais oui, bon, voilà. Oui, j'allais dire dans Red Dead. T'as une charrette. Mais j'y joue pour. En fait, j'y joue à ça, Red Dead. Voilà, je vais même pas faire la quête. Je vais juste faire le con. Ah, tu fais comme les mecs qui balançaient des gens sur les rails des trains, là. Oui, mais je le fais en vrai, moi, ça. Ah oui. Ça va râler après. Et là, pas chez vous. Ça râle toujours. Et pareil, moi, vous savez ma propension à jouer au Simulator et toutes ces conneries. Là, c'est pas un Simulator parce qu'il est américain, il me semble. Cooking Simulator. J'adore faire à bouffer. J'ai un jeu vidéo qui permet de faire à bouffer, mais de manière très réaliste. Voilà. Est-ce que t'apprends des choses? Non, quand même. Simulator, rien à voir avec les camps de concentration. Tu mets pas des gens à cuire, quoi. Non, non, c'est tu fais à manger des vrais trucs. Ah. Directement aussi, apparemment. Cooking Mama, quoi. Ouais, Cooking Mama en simu, hein, pas en arcade. C'est une vraie simu, quoi. Genre, si tu casses mal l'œuf, ça craint, quoi. Si ouais, ouais, dedans, tu dois choper le. D'accord. T'as une recette, t'es un chef d'un gros restaurant étoilé, et tu dois faire les recettes qui arrivent à la chaîne, et tu dois vraiment aller chercher ta gamelle, la mettre sur le feu, allumer le feu, mettre X litres d'huile dedans. Il suffira d'une étincelle. X litres d'huile. X litres. X litres. Ah oui, bah, c'est des trucs, c'est des gamelles pour 50 personnes, 50 convives. Ah ouais, donc tu mets pas. Ah, c'est pas un restaurant. Tu mets pas 10 millilitres. C'est pas une salade verte pour la 12. Non, c'est pas ça. Ouais, si, mais tu peux. Il y a pas que ça. Et comme moi, je suis méga fan de Planet Coaster et de tous les jeux, les coasters et de. Les Theme Park, les compagnies. Les Theme Park et tout ça. Cette année, il y a le. Alors, il y avait Planet Coaster qui est sorti il y a 2-3 ans. 3 ans, ouais. Pour moi, le meilleur truc qui se fait depuis Roller Coaster. C'était enfin l'héritier de Roller Coaster. Et il y avait Planet Zoo qui est sorti cette année, qui est le digne héritier de Zoo Tycoon, qui était aussi le meilleur jeu de simulation de zoo. Il n'a pas eu une énorme non plus. Et Planet Zoo, c'est les mecs de Planet Coaster qui l'ont fait et qui ont juste changé ça pour mettre des animaux dedans. Et puis voilà. Et donc, c'est un jeu de simu, de build. Voilà. Comme Dorsal Coaster, quoi. Dorsal Coaster est vachement bien. Pornhub Community Coaster. C'est sorti en 2019, non ? Mais on ne parle pas beaucoup des PNJ là-dedans. Parce que tu vois, on perd le scénar. Bah bref. Dans les Dorsal ? On sera sur porntrip.fm et puis on en parlera. Et juste comme ça, alors vous foutre de ma gueule parce que c'est un jeu de merde. Ah lol ! Et il date d'il y a 10 ans. Ouais, quand même. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai dit pendant des années, que c'était un jeu de merde et que je conchiais tous les joueurs. Ah, je sais de quoi il va parler. Je sais de quoi il va parler. J'en ai parlé tout à l'heure. Minecraft. Ah, je me suis mis dedans et j'ai compris pourquoi des gens ont fait des dépressions et ont pas été allés, enfin des jeunes qui allaient pas à l'école quand le jeu est sorti de ça. Moi j'adore les trucs de construction et tout ça. Ah bah c'est des Lego, hein, gars. C'est des Lego. Moi j'adore les Lego. Et j'ai joué à j'ai installé Minecraft pour tester en disant les cons qui jouent à ça. On dit la même chose avec la drogue, c'était juste pour essayer. Ouais, voilà. Et la première semaine j'ai joué pour le coup j'ai joué 60 heures la première semaine. Aïe, aïe, aïe. Le premier jour. Le premier jour. Ouais. Ouais. Moi j'y joue depuis l'alpha je crois. Ouais bon les premiers. Depuis 10 ans, tout début et j'ai des périodes comme ça où j'ai, remets quoi. Ouais là ça doit faire 3-4 mois. Mais c'est vrai que ça marche par période. Mais putain il y a des périodes où j'ai eu une période 7 merveilles du monde les gars. J'ai fait les 7 merveilles du monde. Ouais ouais bah pareil. À mon niveau, hein. C'est-à-dire que t'as mis 3 briques. C'était tout dégueu, mais à mon niveau, je me suis dit, allez. Bah, ne teste pas parce que. Non, moi, il me faut du scénario, de la narration. Mais là, c'est des Lego, là. C'est des Lego. En plus. T'as une brique. En plus. T'as deux. Au bout d'un moment, tu triches, moi, personnellement. Ah, toi aussi, tu te mets après en créatif et tu fais. Ouais, non, mais moi, il y avait des modes, tu sais, tu peux mettre des modes dans le jeu. Il y a un mode où tu peux passer quand tu veux du créatif au. Oui, oui. Tu peux construire des trucs de 50 par 50 d'un coup en appuyant au spéculatif. J'avais même des logiciels qui te permettent de construire direct de le truc. Des en fait, ça sert à rien. Non, mais par exemple, je te donne un exemple. Je voulais faire une ville dans un dôme. Bah, j'avais un logiciel qui te permettait déjà de créer le dôme. Bah oui, bah forcément, c'est le plus compliqué. Et après, tu s'appelle Domecraft. Non, mais c'était. Après, c'était vraiment un. Comment dire C'est comme t'as tes Lego. T'as ta notice et puis tu sais et après, tu fais ce que tu veux. Même au-delà de ça, dans le sens où tu peux partir sur des modèles, tu peux même télécharger des maps des autres qu'on fait, puis tu peux jouer dans une map déjà existante. Artistiquement, c'est le concept qui est sympa. Ça, ouais, voilà. C'est plus pour ça que ça m'a. Moi, c'est par période, mais je te comprends parfaitement. Moi, j'y joue depuis le tout début et alors. Si t'as pas joué en online avec des potes à construire des trucs, ouais, c'est vrai. Alors, je joue jamais online. Ne le fais pas. Voilà. Ouais. Sinon, tu dors plus. C'est bon, il a pas de potes. Donc c'est vrai. Et surtout, quand tu triches pas, c'est-à-dire quand tu dis, on va construire un truc, le serveur vanilla, quoi, c'est-à-dire rien dessus. Et tu dis, ah, toi tu vas chercher du sable, toi tu vas chercher, toi, tu vas du ça. Bois, du machin. Tu dis, ah, et tu sais, c'est un peu comme il me reste du pain, faut que je vive pour finir mon fromage, inversement. Là, c'est toujours dit, ah. Attends, il mange juste un peu. Ah, bah, attends. Comme, disait Bigard, comme disait Bigard dans une vidéo récente de Banquet Studio, c'est un peu comme, c'est pas le fromage, elle doit être bonne. Striker, hein. C'est pas le fromage et le pain, c'est les putes et la drogue. C'est, il te reste un peu de pute, donc tu vas prendre de la drogue. Il te reste un peu de drogue, tu vas prendre un peu de pute. C'est ça, bah, c'est ça. Donc Peggy 22, jouer avec, voilà. Jouer avec des potes à Minecraft en disant oh, on va faire une ville, on va faire un château, on va faire un truc. Tu dors pas, tu ne dors plus. Évidemment, hein, tout ça, on le rappelle, ne jouez pas à Minecraft. Avec modération. Tiens, bouge pas, bouge pas. Moi, il y a peut-être un jeu que j'ai bien aimé, c'est le Toy-Con Nintendo, c'est 2019, ça je crois bien. Oula. Et non, en fait, les trucs en carton. Ouais. Et donc, Nintendo Labo, Toy-Con. Alors je me permets parce que y a, c'est, ah oui, le truc, Labo, c'est le truc que Ben n'est pas là. Ouais. Non, surtout le truc s'est pris un shitstorm. Mais effectivement, avec les gamins, c'est vachement sympa. C'est-à-dire, moi j'ai passé un bon moment avec le gamin, on a rigolé, on a construit des trucs. C'est relativement ingénieux. Dans le cadre de Minecraft, c'est la même chose. Tu vois, les gamins, oui, quand même. Non, les gamins sont ingénieux, mais pas les miens. Mais quand vous serez, oh, quand vous serez adulte, vous le prendrez. Et, j'espère que vous écouterez pas cette émission. Et, personne ne l'écoute. Bah, eux non. Si, ils sont combien? Bah, c'est combien là, il y a tout ça qui nous écoute là. Waouh. Dieu. Ouais. Et donc Toy-Con, je trouvais ça sympa. C'est voilà. Incroyable. Ah, c'était cool. Et ouais, mais c'était peut-être pas pour les gosses ou pour toi. Ah, on est plus les deux. Faire des trucs avec les gamins quoi. Faire des trucs avec tes gosses. Voilà. C'est-à-dire ils sont pas devant un jeu vidéo, ils sont dans un truc constructif. Mais après le jeu vidéo derrière, c'était vachement assez ingénieux quand même quoi. Okay. Tu prends le piano par exemple, je te ferai essayer à l'occasion. C'est assez rigolo. Tu changes les trucs, tu changes les sons, mais tu secoues le piano, bah t'as de la vibration. C'est-à-dire avec le capteur, capteur lumineux. Pourquoi pas. Non, ça a testé. Ah, et pour revenir rapidement sur Dauntless, parce que tu parles de tes enfants, du coup je vais parler du mien, je m'en bats les couilles, je fais ce que je veux. Vas-y, fais donc. Et ben, son prénom déjà. Il l'a mangé. Alors, il s'appelle Léoric. Bah oui, puisqu'on en a parlé à la dernière émission. Il l'a mangé. Il attend Diablo 4 alors, Léoric. Ah bah, il attend Diablo 4 avec, ferme. Avec impatience. Mais là, justement, quand je joue à Dauntless, lui, tu sais, je n'aime pas trop quand il a que 2 ans et demi, donc j'évite qu'il regarde la télé, tout ça, même si bon, des fois il fait quand même. Quand il me voit ça, je dis non, papa, laisse papa tranquille, il tue des dragons. Et des fois, il vient comme ça, alors que je suis pas du tout en train de jouer, il vient, il me dit eh, papa, tue des dragons. Et du coup, je suis un peu obligé d'y aller, quoi, sinon il va me faire une misère. Donc, je suis forcé de jouer à Dauntless. T'es obligé de tuer des dragons, quoi. Ce que vous avez vu passer devant la webcam était le pull moche de. Tout ça poil. On monte sur le dragon. Le dragon. Voilà, anecdote. Ok, bah très bien. Voilà, donc sinon, une année 2019, faut quand même, il n'y a pas eu trop de. Moi, j'ai pas été marqué spécialement par les sorties. La preuve, c'est que j'ai aucune sortie quasiment récente dans mes jeux de l'année. Il n'y avait pas de dinguerie, quoi. Ouais. C'était il y en aura beaucoup plus l'année prochaine avec les nouvelles consoles. C'est une analyse qui a été faite par d'autres sites généralistes où ils disaient justement que c'était pas foufou quoi. Ouais, qui sont bien plus compétents que nous sur la question d'ailleurs. Non, pas forcément plus compétents, mais qui ont plus de budget, donc ils ont des meilleurs chroniqueurs. Moins alcoolisés déjà. Eh bien, nous allons passer tout de suite. On est pile à l'heure. On est bon. Là, c'est incroyable quand on enlève la chronique musique. Non, mais surtout quand on est en live, on sort les doigts du. Alors, restez un vous deux là. 3. Arrête de dire 2, c'est incroyable. Non, le troisième il est là maintenant, il est chroniqueur. J'ai les chiffres en direct. Si vous voulez devenir chroniqueur, il faudra nous rappeler ce qu'on avait dit à la deuxième émission en 73. C'est ce qu'il a fait quand c'était en franc encore. On va passer au tout venant et je vais réexpliquer le tout venant parce que je vois bien que tu expliques pour lui. Oui, non, parce que je vois que même les chroniqueurs ne savent pas encore comment ça marche. On va vous le dire tout de suite. On garde ou on jette. Ah bah voilà. Tout venant de l'actu. Bon, ça m'explique attends, pas, je fais une petite marche arrière. Le tout venant de l'actu. Alors, parce que quand même, on nous l'a dit déjà, même dans les commentaires, on nous a dit je ne comprends rien à votre chronique parce que vos chroniqueurs sont un peu cons, ils disent n'importe quoi. La tout venant. Est-ce qu'on a des noms parce que... On a des noms. Il s'appelait Juju Splinter, mais il nous écoute pas aujourd'hui. Donc... Ah, critiquer pour mieux briller et dire écoutez les mecs, je vais faire alors, monter le niveau. À l'inverse du Psartek ou du Balek, on va rappeler le principe de cette partie. Donc, comme on est une émission de rétro gaming, on va parler de toutes les news non rétro de ce mois-ci. On n'aura pas le temps de faire tout, mais bon, voilà. Je vais vous donner vaguement l'intitulé et vous allez me dire si on va en parler ou pas, si je vais développer ou pas. Donc, je vais d'abord vous dire le titre, en gros, et vous allez me dire est-ce qu'on jette ou est-ce qu'on en parle. Voilà, si on jette, bah on jette, bon, on passe pas à la suivante. Quoi. On n'en parlera même alors, pas. Sauf que, alors, je vais faire une petite précision, sauf que presque à chaque fois. On dit par exemple le thème, non, on jette. Et lui il dit, ouais, mais quand même. Ah bah non, ça c'est clair. Mais à partir du moment où il y a une personne qui veut en parler, on peut en parler. C'est les fameux avis tranchés. Ça relance le débat. Il dit pas jette. Mais non, voilà. Mais il n'a pas compris, on est d'accord. Il en parlera la suivante. On est d'accord c'est lui que. L'instigateur du. je suis une grosse balance. Hein. Ah mais tu as le droit, tu pourrais arrêter de faire du bruit. Non mais là, tu as tout à fait raison. Mais ce que je veux dire, c'est que et en plus c'est lui qui a instigé le truc du Psartek ou Balek pendant le tout venant. Ah oui, bah oui. Donc parce qu'il hurle Balek. Lui et Jay, cet enfoiré qui n'est pas là ce mois-ci. C'est vrai que Jay, il est un peu. Bah il est pas là, on va le taper dessus, on se bat les couilles. Moi je le connais pas en plus. Ah bah fais-toi plaisir, c'est un con. Tu peux y aller quoi. Il est dans un simulartung de camp. Alors. On commence, donc c'est des news pas rétro ce mois-ci. Hein. La course à l'armement entre la PS5 qui a officialisé son logo CES cette semaine et puis Microsoft qui a notamment montré son nouveau processeur 8K, donc la guerre des nouvelles consoles. Est-ce qu'on en parle ou pas? La PS5, ça va taper un petit peu quand même. Moi perso, je m'en fous un peu. Ouais, mais la guerre, je m'en fous. T'aimes pas la guerre? C'est pas ma guerre. T'aimes pas la guerre? Poubelle quoi. Poubelle. Peut-être tant qu'on n'a pas vu des images. Ah, il y a des images. Écoute, voir, je vais l'image de la manette. Ça fait monter là. Il y a des images de la manette. Attends, remonte les enchères. Allez. Je vais reprendre la corbeille puis je le mets sur le côté. Là. Je vais me rejoindre à son avis, comme ça, pour une fois, on pourra peut-être que j'ai pas un avis tranché. À toi, Yako, c'est à toi qui a le pouvoir dans les mains. Ah, bah, tout le monde s'en fout, c'est incroyable. Tout le monde s'en fout. On est d'accord quand t'as pas de nom. Alors, les jeux de l'année aux Steam Awards, donc les jeux les plus likés par les joueurs Steam, avec des surprises dedans. Ouais, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, ouais. Steam, parce que j'ai dit des surprises dedans, je sais un non, peu. Non, t'as vu si j'aurais dit. Surprise. Alors que pas du tout, c'est le premier, c'est Fortnite. Ça donne envie. Non, c'est pas vrai. C'est pas Fortnite le premier. Le jeu de l'année, c'est. Sekiro Shadows Die Twice. Alors je comptais sur je comptais sur Jay pour nous en parler parce qu'il le connaissait bien. On en a parlé sur Discord. C'est un Dark Souls façon asiate quoi. Voilà. Donc t'as un sabre. Dark Souls tu vois. Adresse-toi au public. Celui qui m'a posé la question. Ah oui c'est vrai. Public. Public s'en fout. Est-ce que tu connais Dark Souls? Oui. C'est un jeu hyper compliqué, mais il faut s'investir. Est-ce que tu connais Columns? Très exigeant. Je suis pas d'accord sur le difficile ou compliqué. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt les gens qui ont baissé leur niveau aussi. Je qualifierais ce jeu de action gratifiante. Ouais. Ah oui, pour un jeu comme à l'époque. On te frappe, tu te protèges. Ah ouais, mais quand tu réussis, t'es content. De jeu comme à l'époque. Un jeu à la difficulté de l'époque, on en avait parlé dans une précédente émission. Tu sais qu'il est venu en solde et je me suis dit non, je suis pas là pour souffrir, je l'ai pas acheté. Il a l'air magnifique, mais. Tu peux vite jouer et te dire c'est trop dur. Ouais. Alors que si tu persévères, tu seras récompensé. Ouais, ça je suis d'accord. Si c'est Dark Souls, c'est comme mais si je suis Dark pas étonné Souls. Parce que ça a vraiment l'air d'un jeu. C'est le jeu de l'année donc du Steam Wars, donc ça veut dire que c'est les jeux à mon avis qui ont été le plus vendus chez Steam en plus d'heures jouées ou en plus de likes. Ouais, mais il a été énormément plébiscité sur beaucoup de sites. Dans le reste, t'as le jeu vert de l'année, Beat Saber. Oh. Le jeu Amour Indéfectible, donc c'est les jeux auxquels les gens jouent toujours en fait quelques années après la sortie. Une idée? Le solitaire. Moins vieux. Bah GTA 5. GTA 5. Bah oui. Un jeu C'est mieux entre amis. Ils ont vraiment mis des trucs à la parpaing du Gérard du cinéma quoi, tu vois. C'est quoi ça C'est mieux entre amis? Non, c'est mieux entre amis. C'est mieux entre amis. Ah, c'est mieux. Articule. La fistinière en vert. C'est mieux entre amis. Bah c'est DayZ. Il n'y a pas Fortnite dedans, puisque Fortnite n'est pas sur... DayZ. J'ai pas joué, mais... Oui, Fortnite, il est sur la même plateforme que Dauntless, au passage. Epic ? Ouais. Il est sur l'Epic. Ouais. Le gameplay innovant, c'est My Friend Pedro. Mon ami Pedro. Voilà. Tu connais pas. Ah. Tu connais non. Voilà. Un rapport avec... Qui connaît pas. Le jeu Histoire Exceptionnelle... A Plague Tale Innocence. Quand même. Le meilleur jeu auquel vous êtes nul. Il y a vraiment une catégorie qui s'appelle meilleur jeu auquel vous êtes nul. C'est Shadow Die Twice. C'est Mortal Kombat 11. Ah ouais. Et le style visuel exceptionnel, c'est Gris, un jeu qui est en gris. Pastel, rose et bleu. Voilà. Connais pas Gris. Qui c'est qui connaît Gris? Non, c'est un truc un peu. C'est Michael Jackson, un peu spé, un peu onirique. C'est de l'indépendant quoi. Ouais, c'est de l'indé fait à la gouache avec du pastel et tout. C'est joli. Mais après, Vert ou pas vert? Non, normal. Parce que j'avais des jeux que tu pouvais peindre en l'intérieur d'un truc vert, c'était assez chouette. Hein. Ouais. Mais t'as plein de trucs comme ça qui tu peux jouer. Ouais, c'est vachement sympa. Non. Notamment avec le Vive. Cool. Et après, il t'imprime ta toile et tu la reçois chez toi. Non, mais t'as une façon de peindre et d'en faire de l'argent. Mais en 3D, tu fais vraiment. T'envoies tes gouaches vraiment dans la dimension quoi. T'es dans l'œuvre. Ça vole. Non, bah ça tient. Ah d'accord. T'as la dimension Z en plus de l'X et de l'Y. Comment ça s'appelle le. Tu sais, le light. Light painting. Light painting. Tu sais, avec une lumière, tu fais comme ça et après. Ouais, c'est un peu ça. Sauf que là, tu fais vraiment des visages, des trucs, c'est la folie. Ça, c'est beau. J'ai regardé. Il y a une nanette en l'occurrence, je sais plus comment elle s'appelle. Il mettra le lien dans la description. On lui a pas demandé de mettre de lien. C'est bon. Mais il y a plus. Maintenant, la m'intéresse. C'est le turfu, les mecs. C'est le turfu. On trouve ça super intéressant. Parce que du coup, ça peut faire ressortir vraiment des gens qui. Ah non, mais là, je te dis, il y a une nanette, on la trouvera. Elle est top. Yaku la trouvera et la dira à la prochaine émission. Ça fait très Van Gogh en fait. Des autres awards, c'est les plus gros de l'année puisque c'est l'équivalent des Oscars, c'est les Game Awards 2019. Ils ont aussi décerné leur top de l'année avec de nouveau Sekiro en jeu de l'année et avec des surprises dedans. Ah bah on s'en bat avec toi aussi. Non, ça marchera pas. Moi je veux que la surprise. Ah ouais. Yaku il s'en fout. Non, il n'y a pas de surprise. Non. Meilleur suivi, donc les jeux qui sont toujours en développement chaque année, c'est Fortnite. Meilleure réalisation, Death Stranding. Donc, ah oui, il avait une bonne réputation celui-là. Ouais. T'as essayé toi? C'est un non, parce que j'ai tellement peur aussi de me faire chier. Pourquoi? Bah Kojima. Bah en fait, Kojima c'est à double tranchant, c'est même pas un jeu, c'est une expérience. C'est une expérience, pas d'expérience. Ouais. C'est contemplatif quoi. Et quand on m'a dit il faut passer outre les quêtes FedEx, j'ai fait bon, ça sent pas bon. Les quêtes FedEx. Ouais. C'est exactement ce que Jay m'a dit sur Discord. Bah, il faut que tu ailles livrer ça là-bas. Ah ouais. Tout le temps. J'ai un. Après, j'ai il paraît que si on passe. Ça marchait dans Solo Monde, hein. C'est pas. C'est très bien. J'ai un de mes beaufs qui est. Un de mes beaux-frères qui est. Livreur super FedEx. Super hypé par ça. Et je l'ai pas vu depuis. Je sais pas s'il y a joué ou pas. Ou mais qu'il est mort d'ennui, peut-être. Ouais. Non, je pense pas. Comme que la pub Zelda, t'as le squelette derrière le ciel. Mais lui, il est client des trucs un peu expérience. Pourquoi pas, hein, mais. Pas à 60 balles. Peut-être quoi. Que ma prochaine. Ouais. Ouais. Bon, après, meilleure narration, il y a eu Disco Elysium qui a eu plein de prix à plein d'endroits aussi. Voilà. Meilleure direction artistique, Control. Meilleur BO, Death Stranding. Meilleure performance d'acteur, ça c'est un autre. On parlait des PNJ tout à l'heure. Maintenant, voilà, on. Même les PNJ commencent à être joués par des acteurs. Et du coup, alors c'est Mads Mikkelsen, très excellent acteur s'il en est, dans Death Stranding toujours. Le Games for Impact gris, meilleur indé Disco Elysium, meilleur jeu mobile Candy Crush, non je déconne, Call of Duty mobile. Ça existe ça. Ouais. Meilleure communauté Destiny 2, meilleur jeu VR Beat Saber encore une fois, meilleur jeu d'action Devil May Cry 5. Elles sont où les surprises là? Il y en a pas. Devil action, May Cry 5. Meilleur jeu d'action aventure Sekiro, meilleur RPG Disco, meilleur combat Super Smash Bros. Ultimate. Ultimate, Blops. Ouais. Et meilleur familial Luigi's Mansion 3. Ouais, familial à deux, enfin, familial ouais. À 2 non familial. Non tu peux jouer jusqu'à 8 je crois. Ah pour le petit multi console. Ouais, ouais, bon. Ouais c'est pas le jeu non le jeu alors entier. C'est quoi mais même c'est le alors jouer à 2. Qu'est-ce qu'ils appellent familial Peggy 3 ou à mon avis ouais, familial pense... c'est du Peggy 3 ouais. Ça ah, on est pour toute la famille alors dans ce cas là ok non mais même Peggy 6 mais non, c'est vrai que familial il est sympa jouer en famille voilà bon ouais, c'est faut le dire faut et puis après t'as meilleur strat Fire Emblem 3 à aussi meilleur sport Crash Team Racing Nitro Fueled. Ah ouais. Ouais bah c'est le bon c'est Crash Bandicoot bon quoi. Penchant à Mario Kart quoi, c'est le seul concurrent. T'as une PlayStation avec Nitro Crash quoi. Ah je sais pas moi. Moi si, à l'époque j'avais pas de 64, j'avais une PS1, on avait Crash. Il y avait Sega Racing mais c'est plus récent. Moi j'avais pas de 64, j'avais une PS1 et Crash Team Racing c'était quand même à Mario Kart. J'avais pas de 64, j'avais des osselets et des billes. Et du coup, on jouait dans la rue. En 76, pendant c'est la Grande Dépression. C'est exactement. D'ailleurs Mario Kart qui m'a fait acheter une GameCube hein, pour avoir Double Dash, qui pour moi reste le meilleur des Mario Kart. Et je vous emmerde parce que je ça sera l'objet d'un True Story Bro. Voilà, meilleur multi, Apex Legends. Ah, si, c'est pas rétro Mario Kart Double Dash, la GameCube, c'est pas rétro encore. GameCube, c'est pas rétro chez nous. Non, j'aurais déjà fait une chronique, mais je peux faire une chronique entière que sur Double Dash avec des histoires du même acabit que j'ai raconté tout à l'heure. Mais tout le monde s'en fout, moi le premier. Et puis voilà, après le reste, meilleur. Après, c'est beaucoup de trucs e-sport maintenant. LOL qui a été primé dans la meilleure team, meilleur jeu e-sport, meilleur animateur, meilleur event. On a plus notre spécialiste en e-sport. Petit, voilà, je l'avais mis pour lui. Ah oui, il est au ciel. Petit big up à la dernière vidéo de League of Legends que j'ai mis sur mon Facebook pour les trois qui me regardent. Peut-être il y en a un qui l'a vu. Elle non, est... on s'en fout. Elle est ouf. J'en ai entendu parler, moi. Elle est oufissime. Je connais pas le jeu, elle mais j'ai entendu en fait, parler de la vidéo. Il y a 4-5 ans, ils avaient fait, je sais plus quand, ils avaient fait je crois que c'était 2014, 2015, 2016, je sais plus. Tous les ans, ils font pour la nouvelle saison, la nouvelle année, ils font un petit clip avec une musique et tout. C'était la musique de Imagine Dragons Warrior. Jay m'en a parlé, je crois. Elle est déjà la musique originale de Imagine Dragons Warrior. Elle défonce. Jay a DTC, je crois. Mais non, mais Imagine, il a pas de goût, voilà. C'est pas de cheveux non plus. Pas de cheveux, pas de goût. On a eu pour directive d'être tranché. Ben voilà, il a pas de goût, c'est de merde. Ça te va? Bah c'est bien. Mais après, tu t'étonnes pourquoi elle vient plus, quoi. Mais cette musique, elle était ouf. D'ailleurs, même sans jouer au jeu, la musique est ouf. Moi, j'adore Imagine Dragons. Ma copine, elle kiffe cette zik. Elle dit ouais, c'est trop bien, Warriors. C'est laquelle bien. De Imagine Dragons Warriors, elle s'appelle. Et là, ils ont fait, donc sur cette année, ils ont refait un clip enfin un clip, hein, une petite vidéo de presse, avec des persos plus ou moins emblématiques, tout est relatif. Et ils ont fait donc un cover de Warriors, mais tout calme, en chorale, avec des voix, des ça c'est limite onirique, quoi, et ça tue, mais franchement ça tue, quoi. Même si on connaît pas le jeu, même si on n'y a jamais joué, j'invite à aller voir cette vidéo, le son il est ouf, l'impact que ça a, je vous jure, frisson, quoi. Ouais, moi, du coup, je mets à la benne. Ouf, quoi. Du coup. C'était ouf. Oui, moi, je mets à la benne, ça. Moi, je garde pas. Alors, Bee Simulator, nouveau simulateur, mais pas un Simulartung, c'est un jeu où on joue une abeille. Moi, je suis chaud. Ouais, je suis chaud aussi, ouais. Ah, moi, je m'en bats les couilles pour te contredire. T'es chaud pour vous, à partir du moment où il y en a qui... Je veux bien qu'on en parle, ça a l'air... Ça a l'air cool. Bah, c'est sorti en novembre dernier pour 50€ sur PC, PS4, Switch. 20 dieux. On joue une abeille dans un genre de simu ludo-éducatif pour les 8-12 ans. Par contre, c'est magnifique. J'ai vu les images tout jolies. C'est un genre de Central Park. Bon, ouais. C'est sur quel support? PC, PS4, Switch. Ok. Donc du coup, ouais, c'est un espèce de fake open world. Genre, t'es dans Central Park et tu dois aller butiner, chercher du, voilà, chercher toutes les fleurs où tu peux aller. Et tu dois faire gaffe aux pesticides. Ouais, tu dois faire gaffe au vent, aux salopes de mouches à merde qui te sautent dessus. aux frelons asiatiques. Ouais, et puis aux gens qui passent tout simplement et qui n'ont rien à branler. Aux bloqueurs endocriniens également. Oui, non mais c'est vraiment un jeu ludo-éducatif pour sensibiliser sur voilà, moins en moins d'abeilles. Ouais. Machin. C'est marrant les abeilles, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de jeux ludo-éducatifs avec une abeille comme héros, quoi. C'est un peu survendu, je trouve, bah, les abeilles. Est-ce qu'ils reversent ça à une assoc quelconque ou pas? Oh, ils doivent filer un peu de blé, un truc d'abeille. S'ils quand le même. Font, ouais. Honnêtement, je suis chaud, mais s'ils le font pas. À 50 balles, j'espère qu'ils le font non, un petit peu. Balles, ouais. Mais après, c'est intéressant d'avoir un perso abeille. Il n'y a pas de perso abeille dans les jeux vidéo à part. Ah, attention, Maya l'abeille. Si, dans Apidia sur Amiga. C'est pas un perso. Ah ouais? Apidia sur Amiga, tu joues c'est un shoot avec une abeille. C'est pas courant. Ah oui, ça me parle. Et alors, moi, on m'en a parlé il y a pas très très longtemps. Et c'est un bon shoot. Et il a relativement passé sous les radars. Mais surtout que maintenant, le jeu est sorti en 92. Mm. Mais ouais, si t'as l'occasion, faut jeter un coup d'œil. Il y avait pas un Shitty Friends de Sonic qui était une abeille? Bah, je me rappelle de l'abeille dans le truc sur 64, là, tu sais, avec le cureuil. Ah oui, merde, comment il s'appelle? Bah c'est exactement merde, voilà. Le truc de truc de rare là, rare. Conkers. Conkers Bad Fury. C'est ça, Bad Fury Day. Bad Fury Day, mais c'est pas lui le héros. Bad Fury Day. Non, c'était un PNJ l'abeille. Ouais, je le lis comme ça moi d'ailleurs. C'est Bad Fury Day. T'avais l'abeille PNJ, puis t'avais l'abeille aussi dans Mario Galaxy. Tu nous manques. Ah, oh, dès qu'on parle des Allemands. Hein. Une autre simulation qui lui cartonne comme pas possible, et ça, Jay aimait bien pour le coup aussi. Untitled Goose Game qui fait plus d'un million de ventes, oui. Ça parle d'une noix maléfique. Ça pour le coup, c'est vraiment. Ça m'intrigue. Ça a cartonné, je sais pas si t'as vu, JDG a fait un truc. J'ai vu. Une noix qui fait des conneries. C'est un espèce de puzzle game où elle doit passer de porte en porte sur plusieurs. Pour foutre un maximum la zone, je crois. Mais elle doit foutre le bordel. Par exemple, le premier niveau, elle est chez un jardinier. Elle doit lui foutre son sandwich à la flotte. Il faut que. J'ai plus les détails, mais en gros, faut qu'il soit vénère à la fin, quoi. Ouais, en même temps, c'est méchant, une noix. C'est vrai. J'avais un oncle qui avait des oies bavettes. C'est pas un petit peu comme mon voisin d'enfer. Et ben, hein. Tu rentrais pas chez lui. Le jeu Un voisin d'enfer. Tu rentrais pas dans son jardin. C'était rigolo, ça. Oui, c'est un peu ça. C'est du même tonneau. C'est un truc où il faut casser les couilles des gens. Quel support, du coup? C'est sur PC parce que c'est un des cartons Steam et là il vient de sortir sur Switch, je crois. Ouais, j'ai vu passer, effectivement. Il était sur PC et Switch et en décembre il est sorti sur PS4 et One, donc tu pourras l'avoir. Parfait. Voilà, je te donne des conseils aussi. Cette émission sert aussi à vous donner des idées de nouveaux jeux au cas où. Mais apparemment, effectivement, il a de bons retours presse. C'est un très bon jeu et il vient de passer 1 million là, de ventes pour cette fin d'année. Telltale qui a annoncé qu'ils vont désormais enfin terminer les saisons avant de les commercialiser. C'est pas une info logographie. C'est plus Telltale, ils ont été rachetés. Non ouais, mais c'est... ils ont gardé, ils le... ont gardé voilà, le nom de Telltale. C'est toujours Telltale, et du coup, donc on en parle visiblement. Du coup, le nouveau, ceux qui ont racheté le truc ont dit ouais, bah peut-être pour assainir un petit peu les comptes, peut-être qu'on va faire un truc. Alors, les gars, on va faire un truc, vous me dites si c'est bien ou pas. Allez, on va finir les jeux et après on va les vendre. Tu vois, parce que l'idée de merde. Mais n'importe, ça marchera jamais. Ça marchera jamais. Non, mais les mecs, ils ont dit on jette. Ouais, il a dit non, Balek, tout de suite Balek. Donc, ouais, donc du coup, voilà, c'est. Ils avaient eu des problèmes financiers et du coup, c'est pour assainir les ventes, tout ça. Et donc, le nouveau éditeur, là, enfin, le nouveau qui a racheté, c'est LGC Entertainment. Et ça permet surtout de ne pas se retrouver comme en fin 2018 quand ils ont fermé. Ils étaient en train de faire les deux derniers épisodes de la série qu'ils avaient à l'époque. Je crois que c'est Walking Dead. Ouais. C'était l'action que j'allais poser, savoir s'ils avaient, s'ils avaient des trucs en souffrance ou pas. Et bah, les deux là, ils ont jamais sorti la fin. Ah oui, je comprends que les mecs aient un peu buglé. Ouais. Il y avait Game of Thrones, je crois aussi, c'est ça. Il y a Game of Thrones, ils ont fait plein de trucs. Among Us, et bah, du coup, le prochain opus du nouveau Telltale, là, ce sera le Wolf Among Us 2. Donc suite du très bon point and click qui était sorti en 2013. J'ai pas fait, mais ils ont des histoires adaptées assez prenantes, des scénarios. Fable. Mais Walking Dead, moi j'ai bien aimé, moi. J'ai adoré aussi. Au début, c'était pauvre quand même. Quand on regarde Sam & Max, j'ai pas trouvé ça génial. C'est toujours la même chose. Ils avaient un concept cool. Celui de Telltale ? Non, mais celui de Telltale, ils en ont fait un. Ils en ont fait celui-là. Ils ont même fait récent. Ils ont fait un Retour vers le futur. Retour vers le futur était creux. Alors, voilà, c'était très creux. Celui qui était en 4 épisodes là ? Ouais. En fait, j'ai trouvé. C'est pas que c'est. Enfin, creux, j'irai pas jusque-là parce qu'il y a quand même des approches. Je pense qu'on est tous un peu fans de Retour vers le futur. Absolument pas. Gros fan de Retour vers le futur, je vous emmerde. Plus gros fan ça, c'est original. Je dois être le plus gros fan du monde de jeu Retour vers le futur. Toi, ouais, on est d'accord, mais c'est pour ça que je dis toi non. Ah, mais j'aime bien, moi j'adore. Ah, si ça passe à la télé, je regarde direct. Je regarde pas la télé. Je peux pas le regarder à la télé parce que j'ai le DVD, la cassette et le Blu-ray. Tu me dis, c'est pas le laserdisc. C'est le genre de film, tu me dis, on regarde ça, tu peux. Pour faire une parenthèse de la parenthèse, j'ai hâte que mon fils ait l'âge de comprendre pour que je lui montre les Retours vers le futur. Parce que pour moi, c'était la claque. Ça a été la claque. Moi, je lui montre même s'il comprend pas. Au-delà de Star Wars, au-delà de plein de trucs, je suis pas gros fan de Star Wars, j'aime bien, mais voilà. Retour vers le futur, c'est le film qui m'a fait dire quoi, il y a des gars qui écrivent ça. Surtout que t'avais un an en 85, donc effectivement, c'est compliqué à comprendre. Regardé, vous êtes sur Zemeckis FM. Je devais avoir 7 ans ou 6 ans quand j'ai vu la première fois Retour vers le futur. Moi, j'ai vu le 2 d'avant. 6 ou 7 ans, moi j'ai vu le 1. Il est sorti en 90. Sur une vieille cassette en plus, que tu sais, genre. C'était qui était effacée, quoi. Et bref, et donc pour revenir sur le jeu Retour vers le futur. Bah, déjà, quand il est sorti, j'étais hypé à fond parce que Retour vers le futur. Je savais que c'était de la merde parce que ce serait jamais aussi bien que les films. C'est pas génial. Mais je me suis dit, ah, quand même. Et je trouve que le côté scénario de ces jeux-là, parce qu'ils sont 4 morceaux, je crois. Ouais, toujours 4-5 épisodes. C'est assez intéressant dans le sens où ça reprend un peu le 2. Tu vas dans le futur, dans le passé, dans le passé, dans le futur, il y a un futur alternatif. Tu reviens, il y a un passé alternatif. Ouais. Et tout. Je trouvais ça intéressant. Après, mais creux, j'avais pas jusque-là. En fait, il aurait pas fallu le couper en 4, il fallait le faire plus court. Plus condensé et ça aurait pu être sympa. Je le vendais comme un point and click, tu vois, et je suis arrivé, j'étais déçu. Ouais, c'est un point and click moderne. C'est un peu comme comment il s'appelle le chevalier de Baphomet nul. Il n'y en a aucun. À partir du 3, la malédiction. Le 3, 4, 5. Voynich, voilà. Le manuscrit de Voynich, voilà. C'est le manuscrit Voynich, quoi. C'était Sokoban, quoi. Tu poussais des caisses. C'était pas ouf. Là, tu passes ton temps à pousser des caisses. La première mission, c'était une usine de salami, manuscrit Voynich. Je sais plus. Il fallait pousser des caisses dans une usine de salami. Quoi, il y avait Léa Salamé ? Il était un peu claqué, le jeu. Jusqu'à la fin, tu cherchais au sol. Tu cherchais Carlos Ghosn. Il était claqué. Excalibur. Le premier, t'étais avec les templistes et tout ça, ça a toujours été plus ou moins des conneries comme ça. Ouais, mais là, c'est quand même. Enfin, bref. Ouais. Mais Telltale, en fait, le problème, c'est qu'ils avaient un concept qui était génial quand ils ont commencé. C'était les seuls surtout. Le tout premier c'était Walking Dead. Ouais, Walking Dead. Ouais. Donc le concept était génial. Après ils en ont fait 2-3 sur le même concept qui était cool. Et le problème c'est que 10 ans après, parce que ça a fait au moins 10 ans qu'ils ont fait ça, 10 ans après ils avaient toujours ce concept là sans avoir changé leur moteur ni rien. Forcément au bout d'un moment, vous me vendez des trucs qui vous sont vendez le même jeu. Je suis d'accord. Et du coup, la nouvelle entreprise qui a racheté Telltale là a dégagé le moteur graphique qu'ils avaient. Ils ont mis un Unreal Engine 4. Peut-être avoir des jeux un peu différents maintenant aussi. En plus d'être peut-être moins séparés en épisodes, peut-être qu'ils vont même sortir des jeux une fois. On va leur laisser une cartouche, quoi. Exactement. Après moi, comme dirait l'autre, je sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense que c'est Internet qui a tué les jeux d'aventure. Parce que maintenant qu'on peut avoir les solutions en 5 minutes. Oh non. T'avais des solutions dans PC jeu et dans. Je sais pas, ouais, non. Mais tu les recevais 3 mois plus tard. Ouais, mec, t'as passé combien de temps à passer la putain de chèvre Moi j'ai mis plus d'un an jusqu'à ce que la solution sorte. Ah non, moi j'ai lu la notice, hein. Ah, moi je l'ai pas lu la notice. Bah, moi j'ai lu la notice. Dans la notice, c'est marqué qu'il faut appuyer sur R1 pour courir vite. Sérieux ? Moi j'ai lu la notice. J'ai cliqué, mec. Ah, tes conneries quoi. Ah, le mindfuck que tu viens d'avoir là. Moi, le premier chevalier de Baphomet, je l'ai fait sur PlayStation. Comment ça R1 parce que c'était noté, bah c'était noté dans et quand t'as la souris tu fais comment? Tu pouvais accéder. Moi j'étais à la souris, bah, la souris. Bah après je sais pas, j'ai pas fait sur PC, mais c'était le un premier bouton. T'as la chèvre, il fallait tu devais cliquer, sur tu la pas pierre, le bouton. Pas ouais. De toute façon, tout le monde a été traumatisé par cette putain de chèvre, on est d'accord. Mais à un moment je me souviens, j'étais dans la fameuse cave à mon pote là, dans le nouveau. Ah ouais, dans le 5. Ah, on était coincé là dedans. Un sacré PNJ d'ailleurs la chèvre. Non, c'était le 2 ou c'était le 1 la chèvre? Le 1. Non, c'était le 1. La chèvre? Ouais. Non, c'était dans le 2. Non. C'était avec Jean Roucas, ça, non? C'est dans Broken Sword. Broken Sword ou... C'est en Irlande. C'est en Irlande. Shadow of the Templar. C'est en Irlande. Bref, c'est en haut de la À un moment, je sais pas, on est passé une soirée entière, du putain de chef de merde. On a posé le truc, on a pris le bouquin, on a regardé, ouais, puis c'était marqué dans les commandes que tu pouvais faire des actions rapides en appuyant sur je sais plus quel bouton. Ah, j'ai dit chier aussi, mais... Ah, là, ça t'a fait... Ah ouais, on essaye. Comme quoi, t'as vu, hein, il y a un truc écrit, hop, il se dit putain. Ouais. Peut-être non, ils l'ont écrit. Chez vous, si vous avez le jeu, vous nous confirmez ou infirmez. Donc on en a chié, vous le confirmez. Ah, je suis quasiment. Qui en a chié sur la chèvre? Mettez un pouce levé si vous en avez chié sur la chèvre. Pouce bleu pour la chèvre. Et mettez un gros. Alors on commence à être en retard, donc. Ah bah c'est bon là. En retard, juste comme il faut, comme Pac-Man. I am Jesus Christ, un simulateur de. On en parle. Alors ça, on en parle. Évidemment qu'on en parle. Vous avez toujours rêvé d'incarner le Messi, pas le footballeur, hein, l'autre. Voici un jeu prévu sur PC. Alors on ne sait pas si c'est un vrai bon gros fake ou pas, mais en tout cas c'est sur Steam, c'est marqué en Coming Soon. En gros, en vue FPS, vous incarnez Jésus. Il y a 40 miracles à accomplir, jusqu'à 30 miracles à accomplir. Dis, ça a débloqué. Vous avez juste vos deux mains devant vous. Alors c'est un jeu VR. Moi je trouve ça cool. Oui, c'est un jeu VR. Vous avez juste vos deux mains devant vous et en fait le but c'est de pousser la porte du tombeau pour ressusciter, rendre excellent. La vue à un aveugle, multiplier du poisson, bref tous les highlights de la vie de Jésus. Oh, quoi. Merde. Voilà. Évidemment ouais, c'est ça. En plus t'as le spoil, t'as le bouquin là, tu sais qui fait 800 pages, la Bible. Ah bah, la Solus c'est déjà sorti. 800 pages c'est le tome 1 non? La Solus c'est dispo. La page 320. En version collector en plus. Ouais, relié en doré et tout, c'est tu vas voir des mecs qui vont se pointer avec des carnets de notes dans les églises tous les dimanches, c'est pour savoir ce que le gars va dire. C'est ça qu'il a fait. Ah, ça, ah ouais. Merci monsieur, merci. Écoutez voir mon père, j'ai une petite question. Les églises vont se remplir, enfin c'est incroyable. Non, je trouve ça vraiment incroyable. Alors monseigneur Turbé, vous confessionnal, tu sais, excusez-moi mon père parce que j'ai péché, oui, que vous avez fait. Non, j'ai vraiment péché. Non, j'ai péché, je sais pas comment multiplier après les poissons. Après voilà, faut faire les poissons, je sais pas comment faire. Comment je fais pour ouvrir la porte du tombeau? R1, c'est R1, il faut spammer R1. Il va y avoir du monde en hôpital psychiatrique, je pense. Ouais. Ou dans les confessionnaux. La frontière est mince. Si grâce à ça on peut remplir les églises, et ben voilà. On aura. Oh, je sais pas si c'est une bonne idée. Non, pas non plus. Tu sais quoi, on pourrait peut-être demander à un curé pour la prochaine de émission. Venir. Non, on peut lui poser la question. Je peux m'en charger. C'est une bonne idée. Ouais. Bah ouais, carrément, on peut lui poser la question. Sûrement. Hein. S'il est pour ou contre le. Non, le son avis là-dessus, parce que je trouve ça. Ouais, carrément. C'est un thème qui est pas sous-exploité, parce que ça dépend pour ceux qui sont des grenouilles de Benity ou pas, mais qui est très peu exploité. Ah bah oui, clairement. Il y en a eu, mais très peu. Ouais. Il y a beaucoup de jeux où tu incarnes un dieu. Oui, mais pas Jésus. Mais pas Jésus. Pas lui-même. Oui, un dieu. J'ai préciser. J'ai pas dit dieu. Un dieu. Ah oui, c'est souvent un dieu. Mais pas de. Ou même un démon. Tu es dieu. Ouais. Black and White, Godus. Bah dans Black and White, les animaux étaient plus ou moins comme les. Hatred. Bah, civilisation, ouais, bah. T'es un peu. Civilisation. Comment s'appelle Empire, quoi, ou Actraiser pour les plus. Ouais. Molineux, là, c'est quoi le premier encore? Black and Populous. White. Non, Populous. Non, Populous. Merci. Si vous avez une question, vous me posez à moi directement. Ça va lui demander. Du coup, j'ai coupé son micro. Il vient de te traiter d'incompétent. Alors, gamer coach, des vrais cours pour apprendre à jouer. Des vrais cours. Osef. Bref. Voilà. L'e-sport bientôt inscrit au programme scolaire. Point d'interrogation. Ouais. Ah, Juju peut-être. Ouais, bah, Juju, c'est une question. Hein. C'est une question posée par 20 minutes en effet. Petit tips de journaliste, hein, quand il y a une question dans un titre, c'est qu'il y a aucune réponse dans l'article. Hein. Je vous le dis. Donc du comment coup, ça j'ai pas compris ton truc. Quand il y a une question dans un titre de journaliste, uh-huh. Il y a aucune réponse dans. Uh-huh. Il répond pas. Ce n'est pas répondu à la question. En théorie, quand t'es journaliste, tu réponds pas, t'éludes. Non, mais s'il y a une question, c'est que tu ne parleras pas du tout de la réponse. Mm. C'est-à-dire, si même pas, tu t'évoques le... Ouais, en tout cas, ça va être des selon machin, c'est ça? Bah en fait, il y a une stratégie nationale 2020-2025 qui dit ouais, ce serait cool de s'inspirer de la Finlande, je crois qu'il fait en ce moment des en gros, c'est du sport études mais c'est e-sport études. Mmh. Et ils veulent faire ça aussi maintenant en France. Pourquoi et du coup, il va y avoir 5 ans de tests dans certains collèges et lycées. Les Asiatiques font ça aussi évidemment. Mais il me semblait que c'était déjà en test. Et à Mulhouse, il y a déjà une expérimentation dans les formations Bac plus 1, Bac plus 3. Voilà. Alors moi je pose la question, c'est légitime qui est à la fois d'un côté les mecs qui soufflent chaud et froid et t'envoient des bouquins avec marqué jeux vidéo, drogue, alcool, deux points, les dangers. Ouais ça j'en ai, je l'ai pas mis mais ça j'ai m'en a parlé aussi et il m'a dit c'est intolérable quoi. Et de l'autre côté les mecs ils disent bah, les mecs on va faire de l'e-sport. Donc ouais. Sachant, se pose la question clairement et au bout d'un moment si c'est l'État qui gère le truc on peut pas se permettre d'être complètement flou. Des questions de santé publique. Ça c'est un truc qui est sorti donc il y a quelques heures avant cette émission. N'importe quoi ça. C'est un bouquin du gouvernement qui met en qui s'adresse aux collégiens et aux lycéens sur les préventions sur les addictions et donc c'est un bouquin qui met en titre jeux vidéo, alcool, drogue, non jeux aux vidéo, addictions. Non, il dit je l'ai là, je sais pas si on pourra le mettre. On verra. Jeux vidéo, alcool, tabac, je dis non aux addictions ouais. Et c'est réalisé par le Premier ministère. Hein, voilà, donc c'est pas mauvais, mais c'est très maladroit. C'est, bah, voilà. Non, bien moi, sûr. Alors, évidemment qu'il faut faire attention aux addictions c'est et qu'il y en a aussi dans les jeux vidéo. Alors moi je suis tu le mets en premier déjà. Carrément plus tranché, c'est ça. Déjà c'est marqué jeux vidéo, alcool, tabac. Donc déjà les jeux vidéo, ça file pas le cancer. Bon, on peut tourner ça comme on veut. Il y a des questions de santé publique comme qui se poseront. Donc, même si t'es addict aux jeux vidéo. T'auras pas le cancer, t'auras peut-être d'autres trucs, t'auras peut-être plein d'autres choses, mais techniquement, au mieux, ton corps il dégénère pas tout seul. Alors, quand tu fais des jeux vidéo, je te prie de me croire qu'il y a un mec qui voulait vendre ses jambes tellement il dégénérait. Hein. Des Japonais qui jouent 60 heures d'affilée sans manger, sans boire. C'est pas à cause du jeu vidéo. C'est parce qu'ils mangent pas et qu'ils font pas à côté. Voilà. Alors que si tu fumes, si tu manges pas, tu bois pas, t'as le cancer quand même. Ouais. Donc non, des mecs qui fument et les mecs qui fument. Je dis pas qu'il faut pas faire attention aux addictions, je dis pas que le jeu vidéo n'est pas addictif. Je dis pas tout ça, on en a parlé tout à l'heure, des heures, on dort pas, tu sais, on fait des blagues là-dessus et tout. Donc oui, c'est vrai que ça peut être addictif. Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir un certain nombre de choses. Oui, bien sûr. Il faut faire attention surtout chez les jeunes. Qu'il faut faire attention surtout chez les plus jeunes. Mm. Mais de là à mettre ça au même niveau que littéralement des drogues, très maladroit. Maladroit, très maladroit. C'est... Et puis une méconnaissance du médium. Quoi. Bah, je pense qu'ils s'en ont pris plein la tronche là, non? Ça dépend qui, parce que bah, les parents ils vont dire ah oui, bien, ouais, c'est bien. Non, les premiers, c'est les assos de jeux vidéo qui dénoncent, mais tu sais, c'est des assos où les mecs. Ils dénoncent tellement de conneries aussi, les assos, que tu les entends. Famille de France, plus. Quoi. Ouais, voilà. Non, justement, ceux qui ont plus gueulé, parce que. Alors, je le dis sans le dire, parce que je suis pas censé le dire, mais les gens qui ont financé une partie de ce truc-là, je les connais bien parce que je travaille un peu. Parce que c'est lui, hein. Non, parce que je travaille indirectement pour eux, donc j'en ai parlé à une personne. Bref, j'ai pas le droit d'en parler plus que ça. Fais gaffe. Voilà, je peux pas en parler plus que ça, mais voilà. Et les gens qui ont financé ça, ils ont financé ça avec ce type de campagne-là, parce que derrière, il y a des lobbies. Mais il y a d'autres lobbies comme les gens du e-sport, les gens qui vendent jeux vidéo. Aujourd'hui, le jeu vidéo, ça fait des millions, des milliards. Qu'est-ce que je raconte? C'est une industrie qui rapporte. Qui est la plus rentable que le cinéma. Et qui, ben, du coup, tu vois, là, ils perdent des billes aussi. Donc là, c'est clairement une guerre d'opinion, ni plus ni moins. Pour gratter du blé, tout à fait. Là, c'est pour moi, c'est une histoire de thunes. C'est pas faux. Ni plus ni moins. Une bonne analyse. C'est pas une histoire de faire attention à nos enfants. C'est une histoire de pognon, oui, parce que sinon sûr. Tu mets fais attention, le tennis ça peut être dangereux, fais attention, la pêche ça peut être dangereux, fais attention, Facebook ça peut être dangereux, fais attention, Netflix ça peut être dangereux. Je peux citer plein de marques comme ça qui fait que ça peut être dangereux et on n'en parle pas, on ne parle pas sur ce genre de truc là. En tout cas, ouais, je l'avais pas mis dedans, mais c'est vrai qu'il fallait qu'on en parle un petit peu. Je rebondis sur ce truc d'école parce que c'est en relation. D'un côté, directe, voilà, d'un côté on veut favoriser dire. Ça. Tout ça pour dire que d'un côté, le gouvernement, entre guillemets, dit tiens, ce serait bien qu'on mette ça dans les écoles, et de l'autre, le même gouvernement dit c'est que aussi voilà, dangereux bah que ça. Le tabac et l'alcool. Ouais. Et les gars, ouais, non, il faudrait en parlant, révolution. En parlant de bondir, je prends 30 secondes. Est-ce que vous connaissez Takashi Meijin? Bah ouais, c'est japonais. C'est le mec qui a fait PC Kid. Exactement. Oh non, c'est pas lui, c'était Adventure Island. Voilà. Mais Takashi Meijin, à l'époque, dans les années 80, était la mascotte de NEC Hudson, ouais, je crois bien. Ça. Et à l'époque, on lui avait reproché de dire aux enfants d'abord, vous faites votre devoir, ensuite, vous ferez de la Famicom. Et c'est marrant, c'est que ce débat-là revient, lui, il était en avant-garde de ça, quoi, quelque part. Ah oui, mais carrément, oui. Alors qu'il vaut mieux d'abord jouer à la Famicom. Alors que bah, la boîte Hudson avait gueulé, elle avait dit écoute, mec, t'es gentil. Mais il faut qu'on vende. Il avait la technique du pouce magique, hein, c'est ça. Hein. Ouais, c'était lui qui appuyait le plus de fois, il avait le record, je crois, d'input sur un bouton. Avec ou sans cuillère. Sans cuillère. Avec le pouce, quoi. Il avait une technique spéciale, donc il avait son manga à son nom, Takashi Meijin, vous regarderez. Ok. Et effectivement, c'est de lui qui est tiré le physique de. Adventure Island. Il est BC Kid tous les non, jeux. Non, c'est Adventure Island, je crois bien. Bah, le jeu avec. Tu... Mais c'est Bonk. Bonk, ouais. Bonk. Mais c'est pas. C'était plutôt Adventure Island. BC Kid, j'en suis sûr. On continue. Alors, si vous savez si BC Kid. Dites-nous dans les commentaires. Ouais, dites-le nous. BC Kid ou Adventure Island. Une nouvelle Switch pour mi-2020. Encore? Ouais, ils arrêtent pas, franchement, ça craint. Ok. Une Switch en carton ou bien? Non, bon, on en parle pas ensemble, la race. Voilà, bah, une rumeur. Uncharted, le film qui perd son 6e réalisateur déjà. Mmh. On s'en fout. Les jeux les plus joués sur Switch en 2019 ont été donnés par Nintendo et vous ne devinerez jamais ce qui est en tête. Bah, je ne sais pas. La 6e va vous étonner. Ah là là. Allez. Allez. C'est parce que c'est putaclic, on clique. Bon, je le fais. Allez, je l'ai fait vite fait. Le premier, c'est Fortnite. Tetris. Ah non. Oh. Ouais. Oh, oh, oh. Et ah, ensuite, on a Zelda Breath of Wild, Super Smash Bros Ultimate, Minecraft, Mario Kart 8, Pokémon Let's Go Pikachu, Pokémon Let's Go Evoli, Super Mario Odyssey, FIFA 19, Splatoon 2, et ensuite, on a tous les Pokémon épée bouclier, tout ça. Et tous les autres Mario et Zelda, à part ceux que j'ai donnés, là, ils sont très très bas. 20e place, 18e place. Que Mario et Zelda. Il n'y a que ça. Mario, Zelda, il n'y a que ça, de toute façon, sur cette console. Donc, y a à part le Breath of Wild qui est 2e et le Mario Kart 8 qui est 4e, 5e. Pas eu de gros contenu. Hein. Non. Bah, la preuve, c'est Zelda, c'est du FIFA et du Fortnite. Opening, bah, l'autre Zelda est très court. Hein. Ouais, il est vachement bien. Hein, mais... Honnêtement, il est bien, mais. Tu l'as fait toi sur le Switch? Ouais, mais. Ah, ça vaut pas l'autre. Mais... Si, mais c'est la même chose. C'est beau. Celui qui a pas connu, il est bien. Celui qui le refait, qu'il a connu à l'époque, il est bien. Mais c'est pas un grand jeu. C'est comme les films remake. Mais tu prends du plaisir quand même. Voilà, exactement. C'est ça, mais c'est comme les films remake. Moi, j'appelle ça des objets générationnels. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que le gamin, il va avoir du mal à jouer à Link's Awakening de l'époque, mais si tu lui mets celui-là, il va dire « Oh, il est trop bien le jeu !» C'est vrai. Donc j'appelle ça des objets générationnels. Comment faire découvrir ? Allez, on continue un petit peu. Gros teaser sur un nouveau jeu de la licence Batman Arkham, peut-être. Bon. Voilà. J'ai déjà eu trop. Non, merci. C'est exceptionnellement bon quand même, Batman Arkham. Si tu veux en parler, parle-en. Non, non, je pense oui. Ah, bah alors voilà. Autre teaser, c'est Amazon qui leak que le prochain Assassin's Creed sera bien chez les Vikings. Il s'appellera Assassin's Creed Ragnarok. Qui a l'air quand même vachement bien parce que ce sera vraiment la mythologie scandinave et tout ça. Je trouve ça cool, moi. Mais c'est toujours pareil. Si quoi, vous aimez bien. Qu'est-ce que t'en dis de la Scandinavie? J'adore Assassin's Creed. J'aime bien. Mais au bout d'un moment. Moi, je me suis arrêté à Black Flag. Et on en parle pas, on en parle pas. Il y en a trop. C'est bon, ça. Peut-être comme tout, hein. Peut-être enfin. C'est bien, il faut les sélectionner. Peut-être. Hey, c'est bien, il a déjà les refs. Ah, il est très fort. Peut-être enfin un renouveau à la licence Seigneur des Anneaux avec un nouveau jeu autour de Gollum sur un next-gen. J'ai entendu parler. Why not? Ouais, why not, mais Balek un peu. Ça a été annoncé il y a 2-3 jours. Pour les autres, moi j'ai Lord des of... Ouais, Lord pour of les Rings, autres, moi j'enlève le casque. Voilà. Gollum, qui sortira en 2021 sur PC, PS5 et Xbox Series X. On annonce un Gollum très différent de la saga de Peter Jackson, puisqu'on est presque pas loin de créer un concept d'univers alternatif un peu à la Marvel. Dans bon les... PNJ d'ailleurs, Gollum. Très bon PNJ. Et ça restera quand même canon avec les romans, et ça parlera donc de l'histoire du banal Hobbit jusqu'à sa déchéance avec l'anneau, puis sa mort dans le volcan. Voilà tout ça. Ouais, bah moi je sais que j'avais acheté Bilbo à ma femme, sur GameCube, et puis elle m'a dit, tu sais, les jeux vidéo, je m'en bats les couilles. Donc ma femme, je t'aime, mais voilà, bon bah je pense que Gollum, tu n'y joueras pas, tu ne pourras pas me faire un rapport complet sur ce jeu. T'as tout ça pour nous balancer le fait qu'il a une femme et qu'il l'aime. Ça y est. Ouais, ouais, que je l'aime. Sans la payer ? Non mais ben, sans la payer. Alors actuellement, vu ce que je gagne. De toute façon, t'as pas de PS4, t'auras pas de PS5. Ouais, c'est ça. Mais j'ai une femme aimante, alors tu vois. C'était un message caché. Ok. Ah, tu penses qu'elle va m'acheter une PS5? Ma chérie, bah, écoute, si tu m'aimes. Si tu m'écoutes. Eh bien, nous passons tout de suite, justement, sans transition, aux gros beats. Ah, bah voilà. Les chroniqueurs s'affrontent dans les gros beats. Pouvez répéter la question? Les gros beats. Excellente réponse. Alors ce mois-ci, j'ai choisi comme thématique, merci, les PNJ du coup, hein, forcément. Eh merde. Alors évidemment, nouvelle année, nouveau jeu, nouvel enjeu. On rappelle que l'équipe perdante paye sa tournée à la fin de l'année. Donc comme dans le Burger Quiz, c'est Ketchup et Mayo, ici c'est Samouraï et Dallas. Samouraï, c'est Jack et Jay. Dallas, c'est Yako et Juju. Je préfère sauce Dallas. Les sauces Dallas, ah. Sur les boulettes, ça Dallas, frère. Oui. Bah, ça existe maintenant, oui. Ah, mais c'est quoi Dallas? Bah, sauce Dallas. Sauce Dallas sur les boulettes. Sur les boulettes. Avec les béquets. Putain, Nancy, ils font de ces trucs. Sors chez toi. Alors, on rappelle les scores. 13-13, le principe, deux questions par équipe. Vous devez répondre juste, sinon le point va à l'équipe adverse. Juste. Juste le blanc. Ensuite, évidemment, on terminera par une citation, hein, puisqu'on est gros bits, évidemment. À vous de trouver l'auteur. Et la réponse sur la feuille. Ah non, ça, c'est le Pepsi Man, ça. Tu peux mettre le jingle Pepsi Man à coup? Parce que ça me manque. Pepsi Man, ça fait longtemps. À chaque bonne réponse, voilà, tu mettras Pepsi Man. Et à chaque mauvaise réponse, tu mettras Pepsi Man. Ça va bien être chiant, tiens. Quel personnage d'une boisson gazeuse. Ça y est, on est en retard de 15 minutes. Ah bah voilà. Alors, on commence avec l'équipe du nouveau venu. Oh, sauce Dallas. Alors, si la famille. Le jeu GTA faillit ne jamais voir le jour. Une fois le développement du premier épisode fini, les équipes l'ont trouvé très peu intéressant, voire insipide. Ils ont même envisagé de l'annuler. Mais un bug intervient du côté des PNJ et ça bouscule le futur de ce jeu. Lequel est-ce ce bug? Vous avez des réponses. Je crois c'est savoir. C'est quand tu écrases vous avez des réponses. Les mecs qui courent là. La fameuse bande de militants hindouistes en toge orange se met à faire une file indienne au milieu de la route et les testeurs les écrasent dans un grand éclat de rire. L'IA des policiers pète un plomb, ces derniers deviennent hyper agressifs, les testeurs les tuent tous dans un grand éclat de rire. Les voitures étaient prévues en conduite simu, mais un bug les transforme en arcade, ce qui permet de foncer dans les murs et les gens dans un grand éclat de rire. Et ou alors un bug a fait que le jeu initialement nommé Wolfenstein 3D, qui était un FPS, se soit transformé en un jeu d'action de course dans un grand éclat de rire. D. La réponse D. Non, la file indienne, ouais, hein, je crois que c'est la file indienne. L'IA des policiers qui pètent les pneus, les voitures qui sont en simu. Les hindous, du coup. Non, les hindous, là, la file indienne, les mecs, ouais, les hindous, ça a fait un bug, ils sont en file indienne, ils ont les pneus. Absolument, c'était l'IA des policiers qui pètent un plomb et qui tout d'un coup deviennent super agressifs, et du coup, ça rend le jeu quand même vachement plus marrant, parce qu'ils viennent te péter la gueule. Moi, j'étais tellement sûr de moi. Moi aussi, j'étais tellement sûr de moi. Désolé de vous avoir tellement beau. L'important, c'est d'y croire. En plus, maintenant que j'y pense, je crois que c'est dans GTA 2. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est totalement ça. C'est pour ça que j'essaie de vous encourager vers la première réponse. Ce qui fait 14 points pour Jack qui est tout seul. L'important c'est de croire. Ah ouais, c'est dans GTA 2 les badges, donc ça pouvait pas être dans celui-là. 14-13, Jack. En franc, le nombre de poils sur la tête. 4. Sonic. Sonic. Je peux j'ai droit à un ami. Non. Sonic était, on va dire, Sonic était un PNJ à la base. Puisque. Je l'ai. Puisque tu. Red Racer. Pas le héros d'un jeu d'arcade de course nommé Rad Mobile. Ah merde. Quelques temps avant la sortie du jeu Sonic the Hedgehog, donc. Et il est devenu la mascotte après. Donc il était d'abord PNJ. Quelle était sa fonction dans ce jeu? Soit facile. A, il était en maillot de bain et brandissait la pancarte au début de la course, comme dans Ridge Racer. Soit B, il était parfum senteur accroché au rétroviseur. Soit C, il était un pixel dans le public en 2D aplati. Soit D, il traversait la route au deuxième circuit, on était obligé de l'écraser. Et ben B, il était lui, parfum il a senteur. Simple. Mais je vous emmerde. Le gars, une question Sony. Ouais, moi j'avais la question GTA. Mais tout le monde l'avait, celle-là. Et c'est pas toi qui allais l'avoir quand même. Celle de GTA, tout le monde l'avait aussi. Regardez-vous dans le commentaire. Non, personne ne l'avait, celle Arrête, de GTA. Arrête, tout le monde trouve que c'est honteux. Vous êtes nul. Je l'avais. Plein de retour, là. Il est nul, le gros au milieu. Je suis bleu et la mascotte de Sony. Qui a dit ça, enculé? Il est nul, le gros au milieu, il avait pas l'anecdote. Ah, je lis les commentaires. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors, on est d'accord que c'est pas équitable. On est à 15-13. Mon cher Guiluc, je pose une réclamation. Alors, si on avait été 15-12, on aurait pu avoir un Amstrad. Non, 15-13, monsieur. PC 15-12. Stop, arrêtez tout de suite. Cessez. Avec deux lecteurs 5-1. Je vous demande de vous arrêter. Alors, une question pour vous maintenant et. Deux lecteurs 5-1, ça fait 17. Je ne vous donne pas de réponse, c'est à vous de la trouver. Fait plutôt peu commun de nos jours, le jeu Batman Arkham Knight, pas le meilleur de l'excellente série Batman. Ah. Mais meilleure adaptation de Batman quand même en jeu vidéo. Ça cause beaucoup dans le jeu, avec de très nombreux PNJ, parce qu'on en rencontre tout un tas, surtout des super vilains. Plus de 36 000 lignes de dialogue, soit au cumulé, combien d'heures de parole dans un jeu de cette ampleur? Combien d'heures ça parle dans Batman Arkham 36 000 lignes Night. Combien d'heures ça parle en total, même ce qu'on n'écoute pas, quoi. Bien sûr, c'est les heures qui sont enregistrées dedans. Attends, t'as dit 36 000 lignes, donc il y a des lignes où le gars doit faire. Oh oui, il y a des lignes où le gars fait. Ordon, il a de 20 que la comtesse. On a le droit à combien après, quoi? J'allais dire une fenêtre de tir. À 5 heures près, comme disait la jeune mariée. À 5 heures près. Donc ça veut dire que ça fait plus que 20 minutes, quoi. Ouais. Bah, il a dit en heure déjà dès le départ. Bah, tu peux le dire en minutes. 36 000 lignes. Si c'est moi, 36 000 heures. 15-13, attention. Entre 10 et 20, est-ce que t'es d'accord avec entre moi 10 et 20, déjà, entre 10 et 20 et, attends, 20 entre 10 et 20 000 heures. Ouais, non. Ça me paraît beaucoup. 1000 heures ouais, c'est pas en 1000 heures. Hein. Ouais, non, je pense pas que c'est 1000 heures. Hein. Non, c'est un certain nombre d'heures. Mais allez, venez 1000 heures. Avec mes questions, je te dis 36 000 lignes, tu vois, il y a des lignes, même quand tu parles beaucoup, ça fait. Non, c'est pas des milliers d'heures. Ça fait 20 secondes, tu vois. Genre là, ma chronique, elle fait 4 pages. Par contre, on est vraiment en retard de 20 minutes, donc si tu pouvais débattre dans ta tête. Allez, venez, t'as dit combien, plus ou moins 5 heures? À plus ou moins 5 heures. 20. Moi je pars sur une semaine de travail française. 35. 35. 8, 30, 9, c'est combien 35 heures 30, celle de Carlos Ghosn ou on passe sur 30 20, entre 25 et 35 quoi. Ah, sachant 25 que et 35 le jeu, allez, fait 30. Le jeu fait un bon 60-70 heures de quand tu joues toutes les quêtes et tout ça. Combien donc? Allez, il me faut un chiffre. 10. Ah, non, mais... Non, moi je reste sur 30. Allez, 30, on reste sur 30, c'est bien. Allez, on reste sur 30. Bah c'est 60. Oh ta mère. Alors elle est pas pardon. Dedans. Balance pas des blagues s'il te plaît. Ça va couper au montage. Pardon, excusez-moi. Si vous l'aviez chez vous, vous gagnez un code de téléchargement pour un jeu. Si vous avez sa mère chez vous. Ah oui. C'est fini, oui. 16-13. Voilà, vous rigolez, mais 16-13 quand même. Hein. Ouais, on prend l'avance. Hein. Alors, Jack, dans un jeu vidéo sorti en 97, un compagnon du joueur, PNJ de son état, a été si populaire et si apprécié par les fans qu'il est devenu le personnage le plus demandé à chaque opus, et notamment lors de la création du tout dernier opus qui est sorti, le 4ème, il y a quelques années. Lequel jeu est-ce ? Ou lequel personnage ? Alors, sans blague, vous pouvez répéter lequel la question jeu, il y a eu un personnage, un compagnon du joueur qui était PNJ de son état. Waluigi Mario Tennis. Qui était tellement célèbre que à chaque épisode, le deuxième, le troisième et le quatrième qui est sorti il n'y a pas longtemps, on a réclamé ce retour plus que n'importe quel autre. Plus même que le personnage, le vrai personnage. Moi, je reste sur ma réponse. Waluigi Mario Tennis. Non, c'était dans Fallout Dogmeat, le yinche. Ah, le chien. Ah, bah oui, qui est un des PNJ les plus populaires de l'histoire. Je n'aurais pas trouvé, mais que tu me dises oui. Eh, on gagne un point. Merci. C'est vrai. 14-16. 14-16. Attention, tout va jouer là, puisque c'est une question à 2 points, évidemment. 2 points. Qui a dit ? Le premier qui répond gagne, évidemment. C'est une question à 2 points. Ça parle de personnage. Comment on baisse le micro à lui ? Radmobile. Ça parle de personnage, évidemment. Écoutez, à quoi reconnaît-on un personnage réussi ? Point d'interrogation. Quand son nom propre devient un nom commun. Qui a dit ça ? Hein ? À quoi reconnaît-on un personnage réussi quand son nom propre devient un nom commun ? Un acteur ? Entre autres, il a nom propre devient un nom commun. Récent ou vieux ? Qui a dit ça ? Récent ou vieux ? Un acteur récent ou vieux, un acteur plutôt de... Non mais de quelle époque, c'est pas un c'est acteur, c'est pas les Noventura quoi. PNJ ou un acteur plutôt c'est pas acteur, c'est pas son vrai métier. Non, c'est un réal, c'est un réal je pense. Il fait aussi réal, oui, il a fait aussi réa. C'est pas son vrai métier non plus. C'est pas son vrai métier non plus. Il est plombier ? Il est pas plombier, ah, bah, par c'est contre, pas lui, c'est alors. Pas Mario. Il est français ? Il est français, c'est plutôt dans les années 90-2000 on va dire. Au même 2000-2010. En termes d'acteur et de réalisateur. Après, bah honnêtement, je suis d'aucune aide. Cassel ? Je suis parti. C'est pas Cassel ? C'est pas Cassel. C'est typiquement le truc de pas que du tu pourrais dire. Hein. Oui, mais c'est pas lui. Ouais. Connaissant personnellement, je crois pas. Connaissant personnellement la personne qui l'a dit, je ne crois pas non plus. Oh. Mais je connais beaucoup de monde. attends. Marguerite Puldemange. Non, Marguerite Duras non plus. Ah. Comment il s'appelle Attends, il est français, non, il est un peu réal, il est un peu acteur. Ouais, mais c'est pas ses vrais métiers. Non. Ah, c'est pas Carl Zero ? Non. Un humoriste ou pas ? Non. Est-ce qu'on est dans le gros Hollande ? Il fait drôle, mais. Non. D'accord. Il peut être drôle, mais. C'est pas Alain Chabat, quoi. Non. Bah non, Alain Chabat, il est clairement acteur, il est clairement réal. Son vrai métier, c'est plutôt. C'est la nuit. Poissonnier. C'est plutôt les bouquins. Journaliste, écrivain. PPDA ? Olivier Jarige, si tu nous entends. Arrêtez de balancer des noms. Attends. Bah, il est écrivain. Oui, non. Ferme ta gueule. On a même plus besoin de la plaquette. Oui, non, mais c'est. Attends. J'ai même plus besoin de. T'en aurais dit du Mylène Farmer. Attends. Comment il s'appelle c'est quoi la phrase exacte qu'il ouais. a dit Ouais, c'est... ouais. À quoi reconnaît-on un personnage réussi quand son nom propre devient un nom commun ? Donc, un écrivain, du coup, hein. On est toujours à 16-14. Il doit avoir un exemple qui lui. 16-14 lui-même. J'abandonne, je suis trop nul. Non, c'est. Je vous donne un titre d'un des films ou... Ouais, vas-y. Non. Alors, un indice qui pourrait nous amener vers le film ou le livre. Il n'habite pas à Menton. Bah voilà. Nectaras. Il y a vraiment un indice dans la phrase que j'ai compris. Menton, nez, front. C'est pas l'époque d'Anof. Putain. Bah moi j'ai rien. J'ai rien. Attends. Un de ses films a été adapté au cinéma. Un de ses romans a été adapté au cinéma. Et il y avait un certain Jean Dujardin dedans. Ouais, c'est 77 ? Non. Non, c'est pas Bruce, le nom de celui Jean Bruce qui a écrit OSS 77, mais c'est pas lui. En même temps, Albert Dupontel ? Non. Ah ! Zanavicius ? Non. C'est vrai que t'as dit des trucs quand même. Ouais, mais bon. C'est dur, hein. À ce moment-là, la prochaine indice, ce serait juste donner son nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui... Ah, il y a tout le monde qui a trouvé dans les commentaires. C'est vrai, oui, tes conneries. C'est ça. Ta gueule. Attends, c'est un français. Oui. Donc c'est un garçon. Ouais. Il écrit des livres. Ouais. Et il fait même des films des fois. Et un de ses bouquins a été adapté au cinéma avec Jean Dujardin dedans. Mais il a fait tellement de livres. Bah oui, il en a fait beaucoup des livres. Voilà ce que ça donne de jouer aux jeux vidéo. C'est un genre ultra connu. C'est un mec plutôt connu qui a été aussi présentateur sur Canal+, qui est journaliste. Qui... De Cône ? Non. Le truc sur le cancer, c'était avec du contact. Ah, mais non, mais l'autre avec les grandes oreilles là, Gildas. Comme moi, les grandes oreilles comme moi. Hey. Niquez vos races. Bon, ça, ben, je pense qu'on va lâcher les deux points, hein. Tant pis. Hein. On va Attends, laisse-moi encore une petite demi-heure. Une minute, une minute. Ah, on est déjà en retard là. Une minute. Il est 19h06. Le mec qui ratait tout le temps ses trucs là. Garcimore. Attends, il était présentateur sur Canal. Oui. Ah, mais il faut s'en rappeler. Il faisait des livres. Christian Vandel. Il écrit des livres. Non, c'est, l'amour dure 3 ans. Ah, ouais, je l'ai. Ah, Fenêtre. Non, c'est quoi, le truc non, c'est Hitchcock. Oui. Il était dans World Trade Center quand les avions sont. Celui qui a fait 99 francs là, c'est ça? Celui qui a fait 99 francs. Eh bah, j'ai pas le nom. Je l'ai. Mais sors-le. Bec BD. Allez, bravo, bravo. 16 partout. Il a eu du mal à sortir, mais il est sorti. Allez, 16 partout, c'est terminé. Bec BD, ta mère. Combien de courants? Bec BD, ta mère, c'est son nom. Bec Frédéric de son prénom. Pourquoi il habite pas à Menton du coup? Parce qu'il en a un énorme. Ah oui, mais oui, mais oui. Ah et d'accord, bon, on va peut-être voir. Ah, c'était un indice quand même. Francs, voilà, c'est ça. C'était quand même un indice. Bah, et... Heureusement que j'ai donné l'indice, moi j'aurais pas trouvé l'auteur. Donc, bah oui, bah, j'avais bien compris. Mais en tout cas, on est toujours à 16 partout. Ouais. Voilà. Du coup, on ne sait pas encore qui va se payer, qui va nous payer ce fond. Est-ce que c'est au prorata du nombre d'émissions? Parce que sinon, moi j'arrête là. Hein. Ah, ouais. Bah, ce sera des points perdus pour toi, de toute façon. Ouais. Parce que vous êtes en équipe. Des points White Watchers alors. Ouais. Bah, non, le gros, il est à côté de toi. Oh là là. Je t'en veux. On rappelle, peut-être votre actu rapidement. Jay n'est pas là, donc on va pas parler de son actu, puisqu'on s'en fout. Va te faire foutre, t'as qu'à être là. Jack, un concert peut-être, un truc. Non, rien pour janvier. Travail notamment sur. Famille les... Patrick. Sur les vidéos de Video Kids là pour le concert du 29 février prochain, donc on travaille. Ça sera sur... où? À Épinal toujours. C'est d'accord. Et donc là je travaille sur les vidéos. Video Kids donc sur Facebook, Video Kids. Le lien en avec bas. Un Z, pas de ouais. Lien en bas, mais vous pouvez taper. Un lien en haut. Toujours une chaîne que personne ne regarde, comme la nôtre. Toujours une chaîne dont tout le monde se fout. Voilà, et qui s'appelle du nom éponyme d'ailleurs. Tout le monde s'en fout, pas et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, la vraie. Parce qu'il était là avant, évidemment. Voilà. Vous mettez des noms en moins, presque, vous presque 5 ans avant. Mais si, j'en ai parlé avant. Tu n'es plus dans le cadre, Jules. Hop, pardon, bonsoir. Je suis en, il était là depuis le début. En recherche d'une personne pour travailler avec moi, et je pense que peut-être j'ai trouvé. Donc peut-être l'année prochaine. Alors qu'il y a un réalisateur à côté de toi, je comprends pas. T'as des caméras, toi? Hein? Eh ben viens, on fait des caméras. Allez, on fait des tout le monde. T'es pas au courant, c'est juste des caméras. Non, on a pas, j'ai pas tourné une série. Non, t'as monté des caméras. T'as un Kodak. C'est quoi là? C'est quoi ça là? Fais voir un pivot de 80 degrés là vers l'arrière. Ça là. Juste regarde là. Bon bah alors on va faire. Bon bah alors voilà. Il y a une VX9000 pour ceux qui ne voient pas. J'y vais là annoncer. On va donc faire des tout le monde. Il y a une VX9000. Ça passe un âne mort. Voilà. Là, il casse tout. Waouh! Voilà. C'est une VHS, ça marche. C'est comme une webcam. Ça a de la gueule, comme ça, de la gueule. Ouais. Juju, peut-être une actu, quelque chose. Moi, je suis en week-end, tranquille. Voilà, bah très bien, c'est une bonne actu. Voilà. Allez, actu, t'as pas des trucs à réparer en ce moment? Je vais geeker un peu sur Horizon. J'ai pas encore fait le jeu. Forza Zero Dawn? M'a dit que c'était une tuerie. De quoi? Horizon Zero Dawn. Oui, bah c'est comme Monster Hunter et compagnie. Là, je l'ai acheté. Je pense ça va être bien violent. Et t'as pas de trucs à réparer en ce moment? Et ben on le saura, il nous le mettra sur. Bah si, il nous le mettra sur Game Trip. Il a une actu, non? Il est pas nouveau chroniqueur sur la meilleure web radio du monde. C'est ça, c'est sa principale actu. Est-ce qu'on a doublé le nombre de vues? Bah oui, on est passé de 0 à 0, c'est ça double 0 fois 2, ça fait 2, ça fait 0 fois 2, ça fait 2. On a divisé le nombre de vues, on a multiplié le nombre de chroniqueurs. C'est incroyable. Ah oui, il y a plus de chroniqueurs maintenant que. Mais il y a que de mecs qui écoutent, voilà. En tout cas, merci aux deux personnes qui nous ont suivis. Salut à toi. Salut Michel, merci Nadon. Évidemment, vous êtes beaucoup plus nombreux que ça. Bisous mon tour. Et bisous aussi à tous ceux qui nous suivent après en replay. Je le rappelle, à la fin du mois, il y aura le best-of plus court, plus condensé avec les meilleurs moments. Je sais pas encore ce que je vais garder parce que j'en ai pas entendu beaucoup. Il y a beaucoup de vulgarité. Quand même. Beaucoup de vulgarité. D'ailleurs, je mettrai que les meilleurs moments de tous les passages vulgaires de cette émission. Du coup, je mettrai 2 heures d'émission. Mais... et je le rappelle, donc, vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify, nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Twitter, Discord. La saison 1 est en train d'être uploadée sur notre Spotify. Vous tapez Game Trip FM dans Spotify et vous nous trouvez. Comme ça, vous pouvez nous écouter pendant que vous réparez des consoles, bricolez, vous êtes en bagnole éventuellement. Vous pouvez réécouter aussi cette VOD avec les time codes qui sont juste en dessous et qui vous amènent directement au passage. On se dit au mois prochain pour l'émission spéciale Saint-Valentin et jeux de cul. Oh là là. En février. Enfin. Peut-être. on va dire ça. Et dès maintenant, merde. Et dès maintenant, il y aura du Sierra sur, alors. Comment il s'appelle ce jeu là? Lula. Lula. Le prénom, Lula, ouais. C'est juste un prénom et en fait, il a deux meufs et ils ont le même prénom. Là, puis c'est un Catherine. Catherine. Ouais. Catherine, terrible. Mais c'était pas mal le jeu là. Très bien. Mais avec Virtual Valérie 2 aussi. On en parlera en février avec plein de jeux de cul. On tease, on tease. Pour l'émission donc spéciale, et puis maintenant sur GameTrip.net, vous allez nous voir avec plein de tests publiés, des dossiers, le grand concours des consoles, les meilleures consoles de tous les temps. C'est sur votre site préféré. Si, si, c'est GameTrip.net. On se dit au mois prochain. Nous, on va finir notre champomie, notre pâté de nouvel an. On vous fait des bisous. Pour OTI. Et au mois prochain. Bisous. Ciao. Pour envoyer des bons anniversaires pour Juju si vous voulez aussi. Ah oui, bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Voyez vos dons. GameTrip.net, la référence des jeux vidéo oldies. Suivez-nous également sur GameTrip.net. www.gametrip.net. GameTrip.